Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Et on ose dire qu'il n'y a plus de place pour la noble concurrence à Gotham. Que quelques barons du Malsain ont installé un plafond de verre jusque sous leurs pieds, se réservant les plus grosses lasses de billets. À croire que certains ne croient plus aux rêves américains. Enfin, laissons les moutons avec les moutons. De nouveaux carnassiers se sont levés un peu partout dans la ville pour remettre en question tout ce joli monde. Et cela avec un simple petit coup de pouce d'un mystérieux banquier de l'ombre. Vous n'êtes pas les seuls, vous le savez, il vous l'a dit. Mais l'avenir semble vous sourire à plein de dents, alors autant en profiter avant que les choses ne se corsent. Qui sait, autre que vous, ce que vous pouvez bien réserver aux rues de cette ville qui ne dort jamais? Et comment ceux qui en peuplent les ruelles réagiront aux nouveaux joueurs que vous êtes? Depuis hier, jour à marquer sur le calendrier, vous avez pu repartir chacun à vos domiciles, si vous en avez, ou bien dormir dans un motel, ou peut-être même sur place. Le My Alibi n'est pour le moment pas le plus accueillant des repères, encore moins pour y passer la nuit, mais on se contente de ce que l'on a. D'un commun accord, vous vous retrouvez à nouveau aux alentours de 9h du matin, sur place. Peut-être un peu inquiet, à l'idée que l'un d'entre vous ne s'y montre pas, ayant préféré fuir avec sa valise d'argent, malgré les avertissements cordiaux de votre sponsor en cas de désertion. Mais aucune mauvaise surprise à l'horizon. Les regards se croisent, les salutations s'échangent, les poignées de main suivent. Et après avoir remis un minimum d'ordre, de remettre une table sur ses pieds, vous vous y installez ensemble. C'est la première réunion de votre petite organisation illégale, et avec un peu de chance, pas la dernière. Vous avez peut-être des projets, des termes, des suggestions que vous souhaitez communiquer à vos collègues. Tant de possibilités à Gotham City. Reste à savoir si vous pourrez vous mettre d'accord sur vos premiers pas. Bon. Les gars. Va falloir faire de la thune. Maintenant. Ouais. Oh que oui. Des idées? Comme dit, moi j'avais un truc à proposer. En tout cas, il me semble que Ruby t'avait une proposition, non? En effet. Combien de temps après la dernière session est-ce qu'on commence? On est le lendemain. Et dans le lendemain. C'est pas le lendemain. Du coup, est-ce qu'on peut partir du principe que j'ai eu le temps de faire la carte dont j'avais parlé? Peut-être de manière rudimentaire sur le sol, voire l'un des murs de l'arrière-salle du My Alibi. La carte de la ville, tu veux dire? Ouais, c'est ça, de peindre une carte. On va dire plutôt... J'hésite, bah, je vais en parler avec les autres. Est-ce que, on dit que j'en ai parlé préalablement, est-ce qu'il vaudrait mieux la voir sur le mur et pouvoir par exemple planter des punaises et les relier à des fils, ce genre de truc? Ou la faire au sol et littéralement pouvoir marcher sur les quartiers qu'on veut conquérir et un truc un peu sympa là-dedans? Le sol, c'est très sympa, mais niveau lecture, ouais. En fait, ça dépend ce qu'on cherche. Si on veut pouvoir placer des objets, des trucs comme ça, en vrai, ça peut être super cool de l'avoir sur le sol pour... je sais pas, tu sais, on peut rendre littéralement un tabouret et dire « Ok, ça, ça sera tel truc, etc. » On peut mettre des petites voitures sur la police, en vrai, oui. Parce que pourquoi pas, peut-être une petite version imprimée sur le mur quand même pour pouvoir, tu sais, se repérer et faire des petits liens. Au pire, je la fais sur le sol, mais sur l'entièreté du sol, comme ça, dans le passage, on marche pas dessus. Ça veut dire qu'on marche sur des bougies de voitures pour flics qu'on avait placées là de manière stratégique. Certes, mais moi proposer, parce que vous vous rappelez que nous pouvons avoir déterminé ce qu'on fait Mayarebi. Donc, si jamais on fait bar, quand même, je tiens à rappeler que avoir une salle avec une immense carte de ville et des grosses croix sur des banques et autre truc, c'est peut-être pas très très très discret. Non, il est vrai, tu as raison. C'est l'arrière-salle. C'est l'arrière-salle, hein, ça veut dire au contraire d'une salle. On peut mettre un tapis sur la carte pour être sûr. Déroule le tapis pour révéler la carte. Oh, ça va être malin. Mais oui, honnêtement, moi je veux la carte au sol. Allez. Et je peux toujours faire des retouches à la peinture, en plus. C'est ça qui est bien, on peut la faire un peu vivre cette carte. Eh bien, parfait. Eh bien, du coup, on va dire que pendant la nuit, je me suis posé, j'ai mis de la musique. J'ai emprunté ces écouteurs du coup à Marco, et puis en écoutant du vieux rock gothamien des années 2000 à fond, des petits groupes underground qui jouaient dans des caves à l'époque, en écoutant donc du Sheraf, je peins la carte de la ville sur le sol. Et par contre, il avait proposition, je crois, Jean-Baptiste, non? Jean-Baptiste. Oui. Paul Edouard. Ouais. Ah, Jean-Baptiste. Moi, j'avais une proposition aussi dans tous les cas. Vas-y, Jean-Baptiste. Il y a mieux comme. Enfin, vous pouvez faire les contours de la ville, mais je peux vous prendre un projecteur et vous projeter la ville. Comme ça, vous avez juste à mettre les trucs sur le mur. Comme ça, personne ne comprendra ce qu'on fait. Et si vous mettez des maps. Comme ça, les gens comprennent. Bon, au pire, en attendant, disons que je l'ai peint parce que sinon on n'a pas de projecteur. Je sais pas s'il y a de l'électricité qui roule. Bon, ouais, s'il y a moyen. Mais au pire, je pourrais toujours repeindre en noir à l'occasion si vous faire les contours. Si ça commence à devenir un peu chaud, c'est vrai que c'est une bonne alternative ce qu'il proposait. Mais du coup, dans tous les cas, j'aimerais attirer l'attention des gens. Donc là, je vous laisse vous saisir de votre carte de la ville. Et il faut que moi je retrouve où est-ce que c'était. Oui, c'est ça, c'était tout au nord, dans le quartier de Diamond District. J'avais remarqué qu'il y avait le musée Flugelheim qui se trouve juste à côté du coup de la côte, de la flotte, qui s'appelle donc le... C'est le Miagani, c'est ça? Tu parles de... la Gotham River, peut-être, tout simplement. Ouais. Bref, dans tous les cas, je sais pas si vous voyez, mais du coup, oui. Il y a en ville certains endroits, mais personnellement, c'est celui que je trouvais le plus pratique. Alors, comme dit, c'est peut-être pas forcément un premier braquage, mais je pense que c'est une première grosse cible à se donner. Il faudra peut-être faire d'autres petits trucs pour le financer. Mais je trouvais que si jamais, on veut œuvrer avec les égouts de la ville ou autre, cambrioler ce musée et s'enfuir par les égouts ou tenter de créer un passage à ce niveau-là serait pour moi pas si déconnant que ça, parce que c'est une approche que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de voir. C'est très intéressant. Vas-y. L'intérêt. Moi, je sais quel est l'intérêt. Parce que je vais te dire un truc. Aujourd'hui, 21e siècle, braquage, c'est fini. Tu pointes plus dans crédit Bank of America avec Kalachnikov pour... Il n'y a plus liquidité, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, tout ce que tu vas avoir, c'est... tu peux péter le distributeur et encore, tu vas avoir des billets marqués. Donc, dans 2 mois, tu te fais choper dans une supérette à acheter de l'agneau avec, et c'est direction Blackgate, ok? Donc, aujourd'hui, braquage banque, c'est fini. Par contre, alors que cambriolage de musée, ça vaut cher. Ça vaut œuvre d'art, ça coûte cher. On a de l'argent, en fait. Oui, mais pas assez. Qu'est-ce que tu veux faire avec 200 000 $? Moi, je peux. Non, on a 2 millions. Justement. Écoute, là, non, mais. Vas-y, pardon. Très bien, très bien. Dans ce cas, je suis d'accord sur le fait que ça sera peut-être pas notre premier braquage et qu'on peut garder ça sur le côté pour quand on aura besoin de. L'objectif, c'est de monter en grade. Chaque action qu'on fait doit nous faire finir avec plus d'argent que ce qu'on avait au départ. Et ça, c'est un moyen de. On est d'accord parce que. L'art, c'est un moyen de multiplier notre seuil d'argent de base. Ce qu'attend le banquier de nous, c'est qu'on monte en puissance et qu'on déloge les anciens qui lui doivent de l'argent. C'est bien cela. Hein. Il y a une voix imaginaire qui me dit oui dans ma tête, je vais la croire. Non mais c'est vrai. Ok. Il nous a pas une liste de qui sont ces gens, non? Si. Pour l'instant, on nous a dit de faire notre vie et qu'ils nous recontacteraient. Ok. Non, c'est juste histoire de savoir si on peut commencer à savoir qui on va pouvoir prendre du pouvoir ou pas. Moi, c'est juste un petit intérêt là-dedans, mais très bien. Paul. J'avais une question pour la voix venue des cieux. Au niveau de ce qu'on avait, tu nous avais dit par rapport au Mayalibi, il y avait en gros trois salles, la salle principale où il y a le bar et tout ça. Ouais. C'est salle principale avec le bar et des toilettes qui sont toutes petites toilettes, hein, genre il n'y a qu'un seul WC quoi à l'intérieur. Ouais. Et un sous-sol. Ouais. L'arrière-salle où vous mettez ce que vous voulez, et ensuite un escalier qui descend vers un tout petit sous-sol de la taille d'une chambre de petit appartement. Okay. Alors moi je vous propose, mes chers amis, on a bien compris que à Arkham City, c'est un peu la loi de la jungle. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. On l'a vu qu'on est arrivé là, il y avait déjà des gens qui habitaient chez nous. Je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Je vous propose, avec quelques dollars, qu'on s'agrandisse un petit peu. Et que on puisse peut-être en sous-sol se faire un endroit un peu plus confortable, un peu plus grand. Pour entreposer peut-être des futurs larcins, des futures opérations qui, si jamais on venait avoir une descente soit de la police, soit de bandes rivales, eh bien on puisse avoir une salle cachée, tout simplement. Bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que là, on lance tous nos petites idées et que je vais noter les ordres du jour. On va revenir un sur tous les points qu'on est en train d'aborder. Et du coup, là, on passe un peu d'un sujet à un autre. J'étais vraiment en train de faire la même chose. Ah, bah, Yasmine est en train d'écrire. On la voit littéralement en train d'écrire. Non, mais. Fais-le. Moi, proposer pour que discussion fluide et que tout le monde puisse participer, utiliser bâton de parole, ok? Levez main. Et montrez bien comme ça, et puis voilà, n'hésitez pas à dire j'ai levé main avant, parce que faut que ce soit, parce que sinon c'est bordel, si c'est bordel, c'est pas bon business, et si c'est pas bon business, on est crevé, ok? D'accord. Bien. Toi aussi. Il a dit, et du coup, j'aime beaucoup l'idée de s'agrandir, d'autant plus que si jamais on peut avoir un accès aux égouts, comme on parlait déjà de pouvoir utiliser les égouts pour tout ce qui est braquage, etc. Ça pourrait nous permettre vraiment d'être très discret jusqu'à rentrer ici. Mmh. Et tant qu'on est sur les questions du jour qu'on va pouvoir se poser, donc on a question d'agrandir le sous-sol du braquage du musée, faudra aussi poser la question, je pense, de qu'est-ce qu'on fait du Mayalibi concrètement, officiellement et officieusement, qu'est-ce qu'on compte en faire? On n'est pas obligé de répondre maintenant, mais je le lance sur l'ordre du jour. Jean-Baptiste. Vu qu'on est dans Arkham, et on peut faire une sorte de bar bistrot. Ce qu'il est, ça vous dit, un bar bistrot. Si jamais on veut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, je peux toujours proposer de faire un truc un peu style tatouages ou autre, mais vous savez, il y a des salons qui sont un peu multifonctions comme ça, vous allez faire des piercings, des tatouages ou justement d'autres trucs, de tout quoi. Oui, ça peut être une idée si vous voulez pas qu'il y ait trop de monde à la fois à l'intérieur du. Ouais, genre tu viens te faire tatouer ou machin, et en même temps tu vois un verre. Club au-dessus. C'est quoi le bâtiment au-dessus du Mayalibi? On est en sous-sol, mais qu'est-ce qui se trouve au-dessus? Au-dessus, c'est un bloc d'appartement, tout simplement. On peut racheter le bloc d'appartement si vous voulez. On n'a peut-être pas l'argent pour l'instant, il faut que l'on ait tout de suite. L'argent. Alors, certes, on n'a pas l'argent, mais moi. Attends, je vais lever mes. Moi, dire un truc, quelques trucs sur tout ce que vous avez dit. Déjà, c'est intéressant, un grandissement, mais vous prendre en compte que ça va être pas magique. Et que agrandir une cave et tout, ça peut être compliqué. Mais moi, je sais faire, ça n'a pas de problème. Par contre, ce que je vois plus facile à faire, c'est agrandissement. En craignant pas, en creusant pas dans terre ou béton, mais si jamais on réussit à trouver qu'il y a une cave à côté, appartement à côté, péter cloison, tu vois. Sauf que du coup, comme dit, il faudrait racheter, entre guillemets, parce que moi, spécialiste déplacement de population, et je vous promets que si jamais moi je peux expulser tous les gens. Pour moins $1, sans problème, y a pas souci, ok, comme ça. Marco. Très sympa. Quelque part, tu as raison, mais si j'ai proposé d'agrandir, c'était pour avoir un endroit caché. Si on pète des cloisons et qu'on utilise ce qui est déjà existant, eh bien, s'il venait y avoir une descente, les gens pourraient tout à fait pouvoir rentrer à l'intérieur ou ça existe. Officiellement, c'est sur le cadastre, les plans de l'immeuble. Nous, on veut quelque chose qui n'existe pas, qui ne soit pas trouvé. Donc, je ne vois que creuser, malheureusement. Et si on arrive à l'égout, comme le proposait Yasmine, eh bien, on pourra tout à fait évacuer les gravats et tout ça via les égouts. Et de toute façon, les égouts de Gotham sont tellement dégueulasses que. Il y a plein de parties qui sont abandonnées. Voilà. On peut toujours les utiliser et même faire s'effondrer certaines parois ou reconstruire certains murs pour nous accaparer de l'espace. Et c'est d'ailleurs, je fais du coup un mini parallèle pour revenir du coup au niveau du braquage. Si on braque le musée, même si certes c'est dans longtemps. Je vois bien une histoire où on va aller scier les barreaux des grandes bouches d'égout qui se jettent directement dans la rivière, et on aura préalablement investi tout le terrain en sous-sol, où on aura prévu plusieurs voies d'évacuation, et où on pourra par exemple placer des mines, faire exploser des trucs derrière notre passage pour qu'on soit impossible de nous tracer. Enfin bref, dans tous les cas, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on peut revenir... au reste. Tout à fait d'accord sur le fait de chaque chose en son temps, mais je pense qu'une des premières étapes, si on part sur ce genre de plan, ce sera lorsqu'on aura, on se sera installé. Je pense que pour l'instant, le plus important, c'est Imalabi. Mais je pense qu'une fois installé, on pourra peut-être essayer de cartographier les écoutes de Gotham, voir ce qu'on peut en faire, les chemins, tout ça, pour éviter de se perdre, et voir aussi s'il y a d'autres personnes qui y vivent. On sait jamais dans Gotham, je suis presque sûr qu'il y a des crackheads un peu à gauche, à droite, qui doivent à mon avis... Si tu savais... Mais je sais pas. Tu sais, toi. Mais dis-moi tout. Ah, c'est tes copains, Jean-Baptiste. Je préfère pas en parler. Je plaisante. C'est quoi, c'est des gangs de drogués, on est d'accord. C'est un énorme fuck au risque. Pas vraiment, mais on reparlera de ça un autre jour. C'est pas le sujet. Ok. Et un énorme fuck au Ruskov quand même. Voire deux. Je plaisante. Bon alors. Moi je fixe Paul Edouard, hein. Je suis en mode parle-moi. Bon alors. Et... On commence par quoi alors, mes amis? Mais Alibi, je pense. C'est le plus important, c'est là où on va être installé. C'est ce qui peut nous faire regagner de l'argent en plus de ça en le rénovant. Donc. Ouais, moi je vote pour Alibi. Déjà, donc oui, on peut partir au principe qu'on fait travaux. Après, je sais pas, faudrait voir peut-être entreprise BTP dans Arkham City ou truc comme ça, je sais pas. Je sais pas si ça va être resté. Je sais pas si. Est-ce que j'en travaille encore? Est-ce que j'en vais normal? Ou est-ce que c'est vraiment. Après, quand on est dans le quartier, je suis pas sûr qu'on arrive à faire entrer une entreprise de BTP dans ce quartier-là. C'est Gotham City. Entreprise BTP. Est-ce que je peux faire un truc de contact? Mafia. Est-ce que je peux voir s'il y a pas des contacts que j'aurais ou pas? Des contacts en quoi tu veux chercher? Bah dans le BTP, genre si jamais on peut faire venir des gens que je connaîtrais dans Arkham City ou d'autres. Ouais, vas-y, fais-moi un G. 11. J'ai 35. D'accord. Eh bien, tu as rencontré en effet un gars assez récemment, on va dire. Tu l'avais rencontré assez récemment, qui t'a parlé qu'il bossait à une entreprise avant d'être là où il était. Mmh. Et du coup, tu as déjà eu l'occasion de discuter avec... avec certaines personnes qui y bossaient, donc ce serait possible, notamment qu'ils sont à l'affût du moindre petit flanc quand même pour se faire un peu d'argent. Ils sont à l'habitude de bosser au noir et de construire là où normalement ils n'ont pas la permission. Ouais, ils sont discrets quoi, c'est des gens discrets quoi. Voilà. Est-ce que eux peuvent avoir déjà creusé grand souterrain ou sous-manoir pour s'imposer question? Bah, en tout cas, moi, je vous fais part de ces gens que je connais. Et si ça vous va, eh bien, je peux toujours essayer de l'appeler. Voilà, quoi. Avant que tout le monde reprenne, je souhaite juste dire que pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui sont en ville et qui étaient un peu en liberté dernièrement, vous savez que dans Arkham City, en gros, la chose, c'est que c'est... c'est un peu hors de contrôle, mais c'est quand même, c'est pas le chaos. Et le but d'Arkham City, basiquement, c'est surtout d'expulser les habitants, a priori, et pour rénover le quartier, pour en faire un truc bien. Et en gros, donc, il est assez facile de faire construire quelque chose sur place, parce que ça fait partie de tout l'effort qu'il y a. Cependant, il faut forcément passer par la mairie et tout ça pour avoir la permission, pour que ce soit sûr que ça marche avec le plan. Si vous voulez faire ça de manière légale, en tout cas... Après, on peut toujours faire de fausses autorisations. Et ouais... Il y a des faussaires. Petite question. Non, toujours là-dessus. Dans Arkham City, il y a toujours une vie, en fait. Les gens, genre... Même si, genre, 50% de la population est au chômage, ils ont un boulot, ils ont une famille, ils vont sortir, ils vont boire... Enfin, c'est pas... Ok, d'accord. C'est ça. Il y en a toujours. Ok, nickel, merci. C'est juste que c'est très chaud de se balader la nuit. Quoi. Mais je pense avant le BTP, parce que je sais pas, est-ce qu'on a vraiment... Enfin, ce qu'on envisage d'abord pour Meia Libi, mais je sais pas si on aura de toute façon tout de suite besoin de travaux. Je pense qu'on peut faire déjà dans la version minuscule pour pouvoir relancer l'établissement, etc. sans forcément tout de suite appeler BTP, faire les grosses constructions, ce qu'il y a au sous-sol, etc. Non, je pense qu'on peut après... faire petit à petit... Après, oui. quand je parlais de faire venir des gars, c'est pas forcément pour tout de suite creuser machin, c'est la rénovation. Je pense qu'aucun de nous n'est bricoleur, enfin on n'est pas... Voilà, donc quand je te dis BTP, c'est le... Je me débrouille très bien pour bricoler. Ouais, mais toute seule. T'en fais pas. Enfin, voilà, tu vois. Alors que là, c'est faire venir des gens dans un premier temps pour redonner un semblant de quelque chose au Meia Libi, parce que là il est littéralement dégueulasse. En plus on a fait des trous partout en chopant les mecs là, enfin le couple, donc pour le retaper et pour par la suite quand on aura décidé de leur faire faire ce qu'on a besoin. Mais, de okay, faire pour l'instant on reste sur la construction d'intérieur, juste refaire voilà. Le c'est ça. Okay. Oui, alors c'est là, ok, parfait. Et du coup bah qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on part sur le côté de bistrot, est-ce qu'on va sur un truc un peu précis comme je suis en train de regarder le top 10 de la couverture originale pour des trafics de drogue, je vous dis. attendez moi j'ai une idée. Imaginez... Attends, Jean-Baptiste, il voulait parler. Marco, attends. Ah, pardon. Un petit peu. Pardon, c'est même moi je fais pas attention à mes règles. Je suis débile. Pardon, vas-y, Jean-Baptiste. Du coup, moi je pourrais vous faire tout ce qui est connexion internet, tout ce qui est électrique. si ça vous dit. Parfait. Après, on va créer un serveur qui a au cloud. Oui, un truc black caché quoi. Enfin, un truc un peu dark dark web quoi. Ok. Mais faudrait que ce soit sécurisé. Tu pourrais faire ça? Faudrait pas qu'on se fasse hacker nos données. C'est son dada lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis aujourd'hui, c'est très important, voir Wi-Fi gratuit. Attention, c'est le secret du succès. Moi, voilà. Oh, question, du coup, à Jean-Baptiste. Est-ce que, parce que là, cette histoire de Wi-Fi gratuit, ça me fait penser à un truc. Si on fait un petit bar, est-ce qu'on pourrait pas proposer un Wi-Fi gratuit qui nous permettrait, en réalité, d'aller choper les données et les messages des gens? Que je comptais faire. En fait. Et après, on les revend sur Facebook. C'est stylé. C'est un jeu vidéo, je ne sais pas lequel. On a juste invité quelqu'un ici. En plus, on est au sous-sol. Les gens seront obligés de se connecter à notre truc. Il n'y a pas de 4G à cause du sous-sol. Du coup, on peut choper les messages qu'envoient les gens. On peut savoir où ils sont. Et j'imagine même, peut-être avec certaines attaques malveillantes de Jean-Baptiste, peut-être tracer des clients. Je sais pas à quel point, moi j'y connais rien en technologie. Moi, je peux faire ça, Ruby. Mais par contre, la Wi-Fi, si elle est gratuite, il faudrait que je fasse un autre truc. Il me faudrait du matériel, donc du coup, ma valise, il faut pas la toucher. Si vous voulez que je fasse vraiment pas de soucis, dans ce cas, on pourrait peut-être braquer une boutique de multimédia ou de trucs comme ça. Enfin, pas de multimédia, mais une boutique de. Ruby, tu es en mode de braquage à ce que je vois. Hein. C'est, tu veux y aller tout de suite. Hein. En vrai, ça ne serait pas tout, toi du tout débile parce que aujourd'hui, tout ce qui est high-tech, téléviseur, console de jeu, tout ce que tu veux. Moi, je rêve ça deux fois le prix en Yougovie sans problème. Et que ça serait beaucoup facile et moins défendu mais que magasin de liqueur ou banque. Plus proche, si possible. Du coup, il faut penser. Non, parce que justement, moi, il faut penser international. Parce que regarde, là, tes œuvres, là, les œuvres d'art, on est d'accord, on va falloir les refourguer, trafiquants, tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'à terme, pour faire l'argent, il faut. Est-ce que vous avez entendu parler du Bitcoin? Du Bitcoin? Non. Ah, c'est pas faux, c'est vrai. Ah, moi, pas que... faire d'un business pas type comme ça, désolé. En faisant ce que vous me disiez, ce que de base j'allais faire avec le Wi-Fi gratuit, espionner les gens qui viennent chez nous, je peux récupérer leur système de cartes vu que tout se passe sur leur portable. Donc je peux les piller avec leur argent, si vous voulez. C'est pas faux. C'est... Après, je pense qu'on a plein de moyens de faire de l'argent. Mais comme l'a dit Yasmine, je pense d'abord qu'il faut qu'on s'occupe de la base, c'est-à-dire ici, le Mayalibi, avant de tout de suite partir dans des braquages, des trucs de hacking, de tout ça. Ouais. Je pense pour l'instant, on doit juste se faire publiquement qu'est-ce qu'on est, commencer à accueillir des clients, un employé. Oui, non, le bar, effectivement, mais bar quoi, comment, quelle identité, qu'est-ce qu'on vise? Parce que l'idée, par exemple, de faire selon toi tâche, ça peut être intéressant. Marco, je vais enfin bref, c'est juste définir ce genre de choses. Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste. Tu voulais parler, Jean-Baptiste? On t'a pas entendu. Merci, Marco. On peut faire un bar à tatouage, vu qu'on veut faire un bar bistrot et que lui voulait faire du tatouage. On peut faire un bar à tatouage. Moi, je propose ici. J'ai une idée parce que j'ai toujours rêvé de proposer de posséder propre bar. Et je propose My Little Yugovia. Bar pour communauté yougovienne. Je suis sûr que ça sera super impact. Nous pas obligés d'acheter Niol de merde des Lehman Brothers, je sais pas quoi. Et moi, pouvoir fournir directement meilleur alcool qualité internationale. Est-ce qu'il y aura assez de clientèle pour qu'on ait de l'argent, mon cher Marco? Je sais pas. Normalement, il y a mon cousin ici. Ça fait déjà un Hugo vieux. Alors, on aurait besoin que ce soit un peu plus grand, parce que tu vois, le principe, c'est qu'on domine le monde, enfin Gotham, du moins. Ah. Donc, à ton cousin. Si après, je crois que on a dit qu'on vendrait l'alcool des frères Cohen, non? Oui, tout à fait. Enfin, on va pas faire venir ton alcool. Et que j'ai dit, mais eux nous avoir arnaqué. Eux, juste pour céder papier, nous vendre 50 000 $ pour un truc qu'ils possédaient même pas. Je suis d'accord, mais ça reste des contacts qui, je pense, sont assez intéressants. Et je pense que pour dominer Gotham, il faudra avoir quelques alliés, malgré tout. Oui. On ne pourra pas être juste nous quatre. Et si ils ont la confiance du banquier, on peut commencer déjà par avoir eux en amis de confiance. Et si vraiment ils sont inutiles, on s'en débarrassera. Mais c'est un peu rapide comme conclusion. Moi, j'ai quelque chose d'autre à proposer pour le bar, éventuellement. Nous t'écoutons. Le bar à tatouage, ça me semble pas forcément être une bonne idée, même si c'est moi qui avais initialement proposé le truc du tatouage, mais je pense qu'on peut l'attendre un petit peu, notamment par exemple de proposer d'avoir un pseudo salon de tatouage en l'arrière-salle qui pourrait par exemple être une couverture pour faire venir des clients particuliers. Mais j'aurais plutôt vu un bar un petit peu commun, et si même, comme on dit, on a un accès par les égouts, ça pourrait être intéressant qu'en fait, par exemple, que ce soit une zone un peu neutre, qu'on arrive à en créer une zone un peu neutre. Genre, je sais pas vous, mais j'ai regardé quelques articles sur le MyAlibi récemment, on voit un peu ce que c'était avant, ça a l'air d'être un peu flou, mais comme si toutes les petites bandes du coin pouvaient venir, et si en plus on a ces histoires de, on peut les espionner un peu d'une manière ou d'une autre, ça pourrait nous permettre, nous, derrière, de rassembler un tableau des déplacements de toutes les zones en vie. Alors, on joint peut-être un petit peu loin pour le moment, mais... Donc on retrouve un peu la même clientèle que MyAlibi d'avance, qui veut dire la petite frappe et les mafias potentielles. Et justement, ça va être beaucoup plus intéressant de choper information personnelle et tout ce que tu veux sur bande criminelle que random pélo chômeur qui vient payer son chômage RSA dans Nioul, tu vois. Et on peut avoir plusieurs niveaux d'officieux, genre officiellement on a un bar, officieusement on donne des petits services à certains groupes de criminels et réellement officieusement on les espionne. Là-dessus, je te laisse la parole du coup, mon cher ami. Comment s'appelle déjà? Pierre. Paul Edouard, non mais oh, tu m'as déjà oublié. Non, question pour la voix. Est-ce que je sais s'il y a encore des gens que j'ai côtoyés par le passé qui avait un rapport avec mon passé récent, qui sont encore vivants, que j'ai rencontrés ou pas, ou ils sont tous morts, ils se sont tous fait trucider dans tout ça, ou il y aurait peut-être quelqu'un d'encore vivant. Il va me falloir plus d'informations temporelles, parce que je crois que je me suis perdu. Tu sais plus où l'on est. Ouais, alors après, moi aussi, il faut que j'essaie de me remettre à jour par rapport aux gens que j'aurais croisés, mais... parce que j'essaie de me rappeler qui on a abordé. Alors, si tu parles d'aventures précédentes qui se trouvent toujours sur YouTube. Oui, c'est de ça que je parle. Oui, je parle de mon ancien moi, pas de mon nouveau moi. Tu sais que la plupart des gens avec lesquels tu as pu avoir affaire ne veulent sûrement pas avoir grand chose à faire avec toi, vu que les groupes, les machinations dans lesquelles tu as pu être impliqué ont provoqué pas mal de casses après ça. Donc, la plupart du temps, tu penses que tu serais pas accueilli d'un bon œil. D'accord, ouais. Donc, il faut que je les évite, quoi. Parce que bon, comme j'ai le souvenir que les autres n'ont pas du MyAlibi, je sais un petit peu ce qui s'y passait et les gens qui pouvaient côtoyer le bar. S'ils veulent recréer un peu cette ambiance telle qu'elle était, et je pense que c'est pas forcément très judicieux. Parce qu'il faut peut-être éviter de refaire parler de moi, on va dire, à des gens qui pourraient m'en vouloir pour telle ou telle chose. Mais après, Moi, personnellement, je serais déjà de renommer le bar. Qu'il soit plus le Maya Libby, qu'il soit un autre nom. Tout à fait. Bah justement, moi plutôt. Ah, vas-y. Non, je dis juste que je suis totalement d'accord avec cette idée. On reprend la clientèle, mais il faut qu'on soit totalement différencié des anciens gérants, surtout qu'apparemment ils ont mal fini. Donc. C'est je suis pour changer de nom. Mais moi, comme dit par le. Comme dit par. Charlie, c'est quoi le nom de ton perso? C'est Ruby. Ruby. Tu pourrais changer ton perso. Ouais, s'il te plaît. C'est plus pratique. Ouais. Comme dit par Ruby, moi, comprendre que Maya Labi est une véritable institution dans Gotham, et que tu vois, c'est dommage de laisser comme ça un nom à passer. Après, il faut évoluer, je suis d'accord, mais. Moi, je pense que si on je serais bien d'accord pour changer de nom, mais pas trop, genre My New Alibi ou tu vois quelque chose comme ça. En vrai, pourquoi pas. J'aime bien l'idée, surtout si on veut viser la même clientèle, de dire qu'à la fois qu'il y a un rue nouveau et qu'en même temps on a toujours ce même objectif d'être cette zone entre guillemets de non droit, zone grise. Voilà. Et puis pour moi, je te dis juste, si jamais il y a fils de pute qui se pointe pour chercher moi, c'est parce que toi es là, tu viens chercher moi, et puis il repart dans un barriquier le béton dans l'Atlantique. Ok? Marco, je t'aime beaucoup. Je suis d'accord, du coup. Personne. Et les autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas pour un My New Alibi? Carrément, on trouvera un nouveau nom. On fera quelques propositions, on pourra même voter pour. My New Alibi. Ma proposition. Jean-Baptiste. Le Yuga. Yuga. Je propose que je vais noter les propositions de tout le monde sur le mur, on fera des traits à côté pour voir lequel l'emporte. C'est quoi? C'est par rapport à Yougovia? Ouais, comme ça c'est pas bien, des pays. C'est bien. Ah, c'est bien, je le frotte dans le dos, c'est nickel. Bon. Ben après, tu vois, comme on dit, après, une communauté vient d'exister. Hein. Moi, connaître sans doute quelques personnes et tout, faut que je prenne le contact et tout. Mais je sais pas si par bien placé par rapport à où tout le monde habite, tu vois, donc après, je peux. Un jour, j'aurai un autre bar et il s'appellera My Little Yugovia. Mais. T'en fais pas, on dominera Gotham. Tu pourras faire autant de bars que tu veux. Yeah. C'est ça, American Dream. On aura des Cadillacs. Donc, Yuga, après, tu vois, le bar Yugovia, je crois qu'on va laisser de côté pour moi personnellement. Je vais abandonner. Ou alors, ça serait un truc du genre Yo Alibi, Our Alibi, quelque chose comme ça, changer. Ouais, on se prendre en souci en fonction de ce qu'on voudrait faire passer. Est-ce que My Alibi, je sais pas trop. Les gars d'avance la jouent un peu perso, c'était pas ça qui ressortait du truc. Quand vous dites qu'ils ont mal fini. Non, on joue la carte de. Comment dire ça, de l'humour, et en même temps, on s'appelle The Suspect. Who's the famous? Mais dans ce cas-là, on perd le côté retrouver l'ancien nom, mais c'est des propositions qui se tiennent aussi. Personnellement, je dois vous avouer que je vous l'avoue aujourd'hui, mais. Encore une fois, mais j'ai connu le Maya Libby avant. C'est une bonne chose pour nous aider à cibler un peu cette zone. C'était dans l'idée un peu la même chose que ce qu'on veut en faire aujourd'hui. avec les gens qui gravitent autour de tout ça. On va pas faire un bar à tatou, vu que c'était pas ça avant. Donc pour on s'est regardé cette idée au moins sur un truc, quoi, faut voir. Ça pourrait être rigolo de... Si on embauche des types... Je sais pas, de tester leur détermination en affichant au effort qui nous appartiennent, mais ça, ce sera peut-être pour un peu plus tard. Mais... Et ça contraste peut-être un peu trop avec l'idée de faire un truc un peu commun à tout le monde. Moi, je suis pour rester sur une formule simple et juste attirante pour les petits bandits et la paix. Moi, le your alibi me fait rire, j'aime bien. C'est genre les clients réguliers qui seront ici et qui seront de bons clients. Ils s'assureront à ce que tout le monde les ait vus ici le soir où ils en auront besoin. Oui, bon. Mais bon, dans tous les cas, je propose qu'on passe à un vote, à moins que quelqu'un ait d'autres propositions. Je propose le vote aussi. Bon alors, okay. Pour le premier... C'était quoi alors? C'était... Le premier, my c'était new alibi. My new alibi. Qui souhaite choisir ce nom? Personne. D'accord, même pas celui qui l'a proposé. Après, on avait non, quoi je... Le Yugo Hugo Hugo Yuga, le Yuga. Yuga, Yuga. Ouais. Wow. Désolé. Je préfère nouvelle proposition. Après, on avait The Suspect, The Famous. Eh, tu oublies Oribi. Oui, mais c'est ça, ça venait après. Je l'oubliais pas. Bon, alors, your alibi? Our alibi. Our alibi. Non, c'est... Attendez, consomme... Il y a les deux. Il y a les deux propositions. Your... Moi, je vais voter pour les deux, de toute façon. J'aime trop les deux. Moi, je préfère moi, je vote pour le... Our alibi. Je rejoins Marco. Notre alibi, donc. High five. Donc, on est 3 allons. Pour Our Alibi. Allons pour Our Alibi. Ah, toi, t'es aussi... Donc on est 4 pour Our Alibi. Our Alibi. Ok, parfait. Du coup, ça fait un vote pour Yuga, un vote pour Your Alibi et 4 votes pour Our Alibi. Bon, je crois que le choix est fait. Yes. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce Our Alibi? Bon bistrot des familles, je pense, un truc un peu crade, mais pas trop. Dans quelle ambiance? C'est le PMU du coin, mais bon. Que là, si vous regardez autour de vous, on est un petit peu dans une ambiance country, motorbike club. Donc, je sais pas quel genre d'ambiance vous voulez avoir dans ce. Est-ce qu'on a la place d'avoir un ring? Mais je crois pas que ce soit trop dangereux. C'est peut-être un peu trop vénère. C'est peut-être le genre de truc qu'on veut. C'est en longueur, c'est un bar en longueur. Ouais, c'est pas trop la place. Ça aurait été vraiment incroyable d'avoir des petits combats comme ça. Il fait combien de long? Plus tard, quand on en grandira, on note l'idée de côté, parce que le coup du ring, ça pourrait être rigolo. Il fait combien d'avoir de les gars de différents. En mode genre, une fois que t'es dans le bar, il est interdit de se bagarrer et tout. Si t'as des comptes à les régler, tu les règles sur le ring avec des règles. Mais totalement, ça c'est incroyable. Avec le panneau No Fight Allowed, sauf sur le ring. Mais totalement. Mais en vrai, ça donnerait une identité au truc. C'est dommage qu'on n'a pas la place, que ça sera à y penser quoi. Je connais un mec qui a fait HEC qui pourrait nous aider à nous positionner marketingement. Il fait combien de long du coup? C'est quoi les mesures du bar en lui-même? Pour qu'on puisse avoir une idée. Je ne pourrais pas te donner les mesures, mais c'est juste, pense, bar ordinaire qui est un peu partout en termes de taille, quoi. D'accord. Ouais, donc c'est genre un truc en longueur, ça va faire du 20 mètres. 20 mètres en salle, hein. Je pense 20 mètres, 20 sur 15. 20 sur 10, allez, je sais, c'est plus petit peut-être. plus long que large. C'est bien que quelqu'un en fasse quelqu'un, on s'entend. Hein. On fasse le plan Vitef. Bah, t'as Ruby, hein. Ruby, elle arrête pas de crayonner depuis tout à l'heure. Là. Allez. C'est lui, c'est ce Je sors mes pinceaux, mes bombes de peinture et je fais un petit plan du bar. J'imagine que ça existe pas, quand même. Il faut que je me base sur la photo que t'avais envoyée la dernière fois. Ça devrait suffire. Hein. Oui, tu fais basiquement ce que tu veux, tant que ça respecte la description que j'ai faite, et c'est grave. Un palace. Sur malentendu, il verra pas Diff. Zèle avec un grand manoir. En tout cas, fais un truc tout petit, mais tu mets des mesures en tout clair pour pas que je lise qui sont énormes. Ah, du coup, va pour un alibi et un bar classique. Ouais. Musicalement, vous voulez quoi? Attendez, justement, on n'était pas d'accord sur ça. Il n'y en a qu'un bar country ici. Non mais quand je dis classique, c'est pas country. Enfin, classique. Un classique bar, lounge. Vous voulez de la musique lounge, de la musique rap, de la musique du rock. Non, en fait que de la musique underground de Gotham. Ouais. C'est ça qui est de nouveau. Trop bien. On prend que des artistes underground locaux. Que ce soit du rock, du rap. Ouais. Va pour de la musique underground alors. Voilà, et un peu de Yougovien, si pour faire plaisir à Marco. Il y a un groupe Yougovien. Ah oui, je connais. Il appelle son cousin, il est aussi musicien. C'est lui le musical groupe. Il fait tout. Musique, contrebande, vol à l'étalage. Proxénétisme. Ça s'appelle Yepad. Yepad. Non, ok, donc on fait ça. Écoutez, j'appelle mon camarade et j'organise un rendez-vous pour qu'il nous fasse tout ça. Et bien sûr, Ruby, tu nous feras un peu les plans et on lui filera tout ça. On est ok. Bon, c'est pas tout, mais... Maintenant qu'on a fait ça, on peut passer quand même aux choses sérieuses, quoi. Et juste parce c'était que, sérieux. Oui, non, oui mais... très sérieux, très important. À l'argent, la monnaie. Le flouze. Mais attendez, il y a une chose que moi je vous pointais depuis. C'est que je rappelle que mon métier, être un peu vieux et adapté pour bar country, vieux bois, tout ça. Est-ce que ça correra avec ambiance, vous pensez comme ça, il n'y a pas besoin de racheter tout ça. C'est pas assez économique aussi, hein. Je pense pas que ça va coller avec le... On va Ikea. Non, t'inquiète, de toute façon... De toute façon, t'inquiète pas. Les gars que je vais appeler, ils ramèneront ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Et on aura juste à demander. Ruby, elle demandera ce qu'elle veut. Je pense pas que non plus que ça va nous coûter non plus les yeux de la tête. On n'est pas dans un hôtel complet à refaire. C'est un petit bar classique. Donc il n'y a pas trop de trucs à faire non plus. Pour qu'on soit discret de toute manière. Donc on ne peut pas se permettre de mettre des trucs trop flashy. Enfin du coup moi je commence à m'éloigner un petit peu. Et je prends mon téléphone et je commence à appeler... Pendant que les autres ils font ce qu'ils veulent. Ok, donc toi tu fais ça. Bon, moi ça fait mal, mais ben, eux nous avons remarqué un jour, je promets que nous abattre vraiment, plus moi pas aimer les gens comme ça, vous savez, là, les jumeaux. J'aime pas les jumeaux. Mais bref, je vais chercher tout ce qui est alcool, provision, peanut cahuète. Je m'occupe de repeindre les murs de rendez-vous. Non, j'ai rien dit, je peux pas sortir comme si tu t'avais. Je t'ai fait chier. Pour vraiment. Priorité number one. Il faut corrompre un politicien encore pour que moi voie le green card. Parce que sinon, ça va avoir problème. Mais on peut appeler le banquier ou les frères Cohen. Pour qu'ils essayent de nous dégoter quelque chose comme ça. Ah, j'aime pas l'idée d'être redevable à ces fils. Mais c'est les débuts, il faut bien qu'on mette le pied à l'étrier, il faut banquer un petit banquier, peu. Banquier, oui, mais les jumeaux. Ben, on appellera le banquier, de toute façon, c'est dans son intérêt que notre petite organisation se développe. C'est dans l'intérêt de tout le monde, je pense. En même temps, je dis ça, je suis au téléphone, moi. Je suis là. Ouais, ouais. Mais alors, tu essaies. Il faut que je trouve faussaire ou un truc comme ça, mais bref. En vrai, passer par un faussaire, ça peut être pas mal, parce que si tu as des soucis, je suppose que ça date pas d'hier et que si t'aurais pu le régler rapidement, tu l'aurais déjà fait. Donc je pense que trouver un faussaire, ça peut être pas mal. Et vu qu'on est à Arkham City, qui vient le nom du quartier, j'ai pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Je peux qu'il y a un faussaire qui traîne dans le coin. Oui, car pour être honnête avec vous, il se peut que le tribunal international de guerre de Yougovie me recherche activement pour crime contre l'humanité. Mais promis, cette histoire pas vraie, problème. C'est pas. Est-ce que je peux faire un jet pour voir si je connais. Tu sais, vu que j'ai été quand même interné, j'ai pu parler avec des gens, peut-être on m'a parlé d'un faussaire à un moment, j'ai pu être collègue de cellule d'un faussaire, je ne sais pas. Et puis bon. Comme j'étais quand même important dans cette prison. Et bien, est-ce que je peux faire un petit jet? Tu peux en effet me faire un jet et on va voir ce que ça donne. Ok, il n'y a pas de compétence. Oui, non, bah c'est la compétence. C'est contact. Contact. Ok. C'est chaud. Oh, ça passe. Oh, quoique, attends. C'est qui? Ah bah non, c'est ma valeur en jaune. Oh non, j'ai fait 16 sur 15. Est-ce que je peux dépenser un point de chance et faire 15? On n'est pas dans le Toulou. Merde. Dommage. C'est, en fait, Yasmine qui fait... Attends, je... Ah si. Ah non, il est mort. Ouais, c'est ça, exact. En fait, tu as en effet entendu parler d'un faussaire, tu y as même parlé. Le problème, bah, c'est qu'il est toujours là où tu l'as rencontré. Donc il est en prison. Donc, je peux trouver un faussaire. À son prison Blackgate. Là, t'es bien. Bien. Alors, attends, moi j'étais dans la cellule quand même, juste pour les fous. T'en fais pas, je suis pas non plus dans le vrai côté d'accord. Prison. Ouais, moi j'étais quand même au côté. Okay. Je peux faire un G moi pour voir si je connais pas quelqu'un. Ah, t'es au téléphone. Mais je fais quoi? Attends, j'appelle. J'aimerais bien tenter aussi savoir si dans la bande de l'épouvantail il y avait pas un gars qui nous rendait service de temps en temps. Tous ceux qui veulent faire des G pour trouver un faussaire, ils me font un G pour trouver un 5. Ça passe. J'ai fait 5, ça passe. Incroyable. 55. Réussite critique en plus. Il y a des réussites critiques ou pas dans Gotham? Oui, il y en a à partir de 5. Eh bah écoute, je suis sûr qu'il y avait un gars dans le groupe de l'épouvantail ou un gars avec qui on traitait. Je te laisse. Tout est fait. Donc, bah, je vais donner la priorité de toute manière à la personne qui est une personne classique. En effet, Ruby, tu connaissais un faussaire, enfin, tu en as connu plusieurs, mais d'une certaine époque, tu en connaissais un qui était un peu au service du groupe dans lequel tu étais. Était très utilisé justement parce que c'était pas n'importe quoi qui était fait dans ton groupe et il fallait mieux avoir quelqu'un de bon pour faire disparaître les gens, leur donner une nouvelle identité. Donc tu en connais un, c'est un certain... Jeremiah Malestel. Lui, qui habite à Gotham. Donc tu le connais. Alors attends deux secondes. Si vous voulez, je connais un type. Je l'en traduis un petit peu ce que tu m'as dit. Tu peux me rappeler l'adresse exacte, s'il te plaît? Ouais, alors tu sais qu'il habite, a priori, tu connaissais son adresse en tout cas de l'époque. Ouais. Il habitait dans le vieux Gotham. Alors attends deux minutes que je garde ma carte. Dans le vieux Gotham, dans le quartier du Chaudron, donc The Cauldron, pas loin du Orchard Hotel. Pas loin de l'hôpital. Ok, yes. Ouais, c'est ça. Parfait. Vous voyez le vieil hôpital général de Gotham? Je connais un type qui est pas très loin. En plus, ça tombe bien, c'est juste, on a juste un pont à traverser. Honnêtement, on fait l'aller-retour et il est super efficace. Avec un peu de chance, on a les papiers avant la tombée de la nuit. Mais si on veut partir, il vaudrait mieux partir maintenant parce que se balader à Arkham. Ok. C'est pas conseillé, paraît-il. Jean-Baptiste, j'ai besoin encore laisser passer pour Michael Honor. Ça marche. Ok, cool. Sinon, je vais le chercher pour lui, hein. Il suffit que quelqu'un m'accompagne. Après, je préfère voir moi-même, parce ouais, que la dernière fois que j'ai laissé quelqu'un choisir l'identité pour moi, le problème passer loin, donc écoute. Je le rappelle, mon pote. Alors, bon, pour ce qui est de ton contact, Jean-Baptiste, ainsi que de celui de Pi, je vais pas vous faire jouer l'appel, mais ça s'est passé comme il faut, il n'y a pas spécialement grand-chose à raconter. Donc ça s'est passé et ça va se faire. Très bien. Donc si vous voulez vous déplacer pour quitter Arkham City, c'est faisable encore une fois. Cool. Il y a une question qui se pose si on va quitter le Mayalibi, c'est que vous avez voulu cacher votre argent, puis le déplacer parce qu'il y a des vieux qui ont entendu la discussion. Donc qu'est-ce qu'on fait pour notre argent, sachant que c'est passé une fois l'aller les mallettes d'argent, mais au retour ça risque d'être chaud. Si seulement on avait écouté et qu'on les avait tués. Moi je propose que je reste ici avec quelqu'un d'autre. Moi je préfère les garder, mais... Moi je peux rester avec quelqu'un ici, bon, ça me pose pas de problème, comme ça je peux commencer à faire internet et tout bordel. On les cache dans un mur, il y a des murs qui sont un peu fissurés, on déplace quelques pierres, on les remet dedans et puis je repeins un truc à peu près correct par-dessus et on les ressortira quand on en a besoin. De toute façon, il va falloir qu'on prenne peut-être un peu avec nous, avec Marco, je sais pas. Comment il fonctionne mon gars, Kame, pour les fiches de paiement, j'imagine que c'est tout en liquide, non? Oui, c'est du liquide en effet. Je sais à peu près pour combien il y en a d'habitude, pour à peu près ce qu'on veut là. Oui, en réalité, il a... C'est un gars un peu original qui fait des paliers différents en fonction des gens, en fonction de si leur gueule lui revient ou pas. Mais ça reste... je pense que ça devrait tourner autour d'un prix qui est des $200. D'accord. Ouais. Ok. Dis-moi Marco, tu t'y connais en alcool? Bien sûr. Dans mon pays... Oui. Non, j'allais dire, connaissant le gars, si tu lui ramènes une bonne bouteille et que t'as l'air... une bonne bouteille, un burger de chez le Gotham Burger. Oh, burger oui, donne-moi les burgers. 150. Ouais, pour serrer à corps commun, je propose on va au Gotham Burger. Moi, comme vieux américain. On fait ça, hein. Je vais chercher... Je vais prendre un super menu, j'arrive. Je vais m'en aller. Du coup, vous partez tous ou vous laissez des gens sur place? C'est la question que je veux savoir, si le groupe se divise ou pas. Il y a Jean-Baptiste qui reste. Moi, je reste sur place. Je ne fais que appeler. Pour l'instant, j'ai pas prévu de bouger. J'essaye un petit peu de faire un petit tour dans le Mayalibi, histoire de me remémorer un petit peu le souvenir d'un lointain passé. Voilà. Ok. Yasmine, tu rejoins les deux autres ou tu restes ici? Ouais, je les suis. Ok. Donc, Marco, Ruby et Yasmine, vous embarquez dans un véhicule ou un taxi ou quoi que ce soit. Il faudra qu'on règle la question de qui a un véhicule ou pas et qui l'utilise. Mais on a bien normalement qu'on peut emprunter, je crois. Celui de la dernière fois, c'était celui de Jean-Baptiste, non? Non, c'était celui de Paul-Édouard, je crois. Ah, de Pi, pardon, oui. Oui, c'est ça. Il avait une fourgonnette. Moi, j'ai pas de voiture. Vous prenez le véhicule et vous passez le pont qui mène de Arkham City à... au reste de Gotham. Et vous faites arrêter un petit instant en plein milieu du pont. En réalité, au début du pont et ensuite une fois à la fin. Mais, et vous montrez vos papiers. On vérifie encore une fois pour le fameux nom de Michael Honor, ce grand américain. Il vous regarde d'un air un peu étrange quand même. Le type qui vous regarde vous dit c'est bizarre, je regarde l'historique et j'ai l'impression que... que le profil, enfin l'identité, elle est... un coup elle est là, un coup elle disparaît, un coup elle est là. Ah, ça a été le bug. C'est à cause... C'est pas notre métier, nous on connaît pas. Hein. Ouais, d'accord. Okay, oui. Bon, je vais devoir fouiller le véhicule quand même, de toute manière. Mmh. Mais Là, je me tourne vers Yasmine. Est-ce que nous tente des colombes ou pas? Pas besoin, pas besoin. Y a rien dans le véhicule. Ok. Il continue de vous regarder, tandis que deux de ces gars fouillent un peu le véhicule. Il y en a toujours qui foutent un ou deux coups de couteau dans un des sièges et tout ça pour vérifier. Vu le nombre de fois où vous faites des allers-retours, je pense qu'il va falloir investir dans des sièges de la voiture. Ils foutent tout en l'air, ils vous laissent re-rentrer. Ils disent bon, pas de soucis, mais... faudrait peut-être aller voir à la mairie ou quelque chose, parce que votre bonhomme là, c'est pas clair ce qu'il a, hein. Et moi je veux bien être conciliant, c'est pas le premier qui passe avec un dossier un peu étrange, mais je vous revois, je pourrais pas, moi-même je pourrais pas le laisser passer. On va aller à la mairie, vous en faites pas, on va tout régler. On va chercher tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Ah bien, bon, allez-y, remontez, allez-y. Bonne journée, monsieur l'officier. Je t'ouvre. Vous reprenez votre conduite et vous traversez donc... Vous traversez donc le quartier de la... Enfin, de la partie ouest de la petite Italie. Donc le quartier historiquement... de l'immigration italienne. Depuis, c'est devenu un peu plus chic, c'est devenu presque un peu plus touristique, quoi que ce soit, mais il y a des habitations, etc. Il n'y a plus vraiment ces immigrés italiens, ce prolétariat étranger et tout ça. Ça, a priori, ça s'est étendu dans le reste de la ville, ça s'est mélangé un peu à tout le monde. Bon, voilà. Et vous arrivez dans le quartier du Chaudron, donc qui est surtout... un quartier avec beaucoup de trucs administratifs, de bâtiments importants, mais aussi quelques habitations pour des gens qui veulent bien... Enfin, qui ont l'argent pour se payer ça. Et vous traversez les rues, vous arrivez finalement à la... après avoir fait un détour par un burger, vu que vous vouliez en passer un. Vous arrivez... Après. L'idée, c'est que ce soit le rendez-vous au burger, comme ça... Enfin, ouais. Si c'est faisable... Enfin, c'est ce qu'avait dit Marco. Ok. On va lui payer un burger, un petit menu, histoire de le mettre de bonne humeur. Je vais simplement demander à Ruby, est-ce que du coup tu contactes le gars en avance pour lui dire de vous retrouver au burger ou vous... Je pense oui. Okay. Je lui envoie un message même avant de partir, comme ça on lui laisse le temps, je lui donne une heure et je lui dis que... Ok. Du coup, bah, vous traversez toujours le chaudron, vous descendez, vous traversez le pont et vous allez vous rendre à Burnside, que vous avez tout à l'ouest de votre carte, qui est c'est un peu presque comme une ville à part, même ça fait toujours partie de la juridiction de Gotham, mais ça a sa propre ambiance, ça a presque cette air de ville que vous avez au bord des autoroutes et ce genre de choses. Si ce n'est que cette fois-ci, il y a une envergure beaucoup plus grande, vous comprenez que c'est là où la plupart des gens passent avec les grandes routes nationales. Et du coup, Gotham s'est fait un plaisir d'y mettre tout ce qui pourrait intéresser les gens qui passent seulement. Et vous arrivez donc dans la rue où se trouve face à face le Burger Heaven et le Bat Burger. Oh, Bat Burger, je vais manger un Bat Burger. Et vous voyez bon, le Bat Burger. Vous vous rendez au Bad Burger, donc un burger qui s'est fait, qui est une fierté de la ville, hein. Il n'y a pas d'autre Bad Burger en dehors de Gotham, et qui a été fait spécialement sur la fameuse mythologie de la ville, comme quoi la ville serait hantée par une entité mi-homme, mi-chauve-souris depuis quasiment la colonisation des États-Unis. Et vous vous installez à votre table, vous installez à votre table et vous attendez. Au bout d'un certain temps, Ruby, tu aperçois l'homme que vous devez rencontrer qui vous rejoint. Je lui fais signe. Je lui fais signe et il s'approche. Marco, Yasmine, ce que vous découvrez avec en face de vous, c'est un profil assez atypique au final, parce que ce que vous avez, c'est un vieux hippie. Vous voyez un type qui doit avoir 80 ans presque, qui est tout maigre, avec une barbe un peu complètement pas peignée, avec des nœuds et tout ça, des cheveux longs en queue de cheval, et des habits un peu vert de couleur vive, un pantalon avec plusieurs couleurs, et des lunettes de soleil toutes rondes. Il arrive, en face de vous, il s'installe, et vous tend même pas la main, il vous dit « Ah, salut la jeunesse !» Bonjour. Hey, my friend. Tu veux burger? Avec plaisir, hein. Ah, cool, cool. Et toi, pas inquiéter, pas être chauve-souris, toi, pas choper Corona. C'est le vrai burger de vache texan-américaine. Ah, oui, oui. Ah, c'est toujours un plaisir. Enfin, vous savez ce qu'on dit sur la société de consommation, mais un burger, ça se refuse pas. Ah... Good, good, good. J'étais... Alors du coup, est-ce que j'ai eu le temps ou pas de lui amener... Enfin, parce qu'on n'a pas vraiment fait de détour ou quoi. On avait parlé de lui prendre une bouteille. Mais du coup, je sais pas. Ok. Oui, vous avez... On était passé par une épicerie, ouais, vite fait. Ok. Je t'ai amené cadeau. Plus burger. Burger, c'est pour moi. Et cadeau. Désolé, je savais pas à quoi était ton profil. C'est Radija. C'est alcool local de chez moi. Bon, je l'ai acheté ici, mais ça devrait être pas trop mal. Tiens. Ça vient d'où? C'est où chez toi? Yougovia. Yougovia. À côté Rugari. Ah oui, mais je crois que j'avais participé à des rassemblements contre ce qui se passait là-bas. Ah oui, oui, terrible, oui, conflit interethnique, je sais, problème, guerre civile, c'est ça, moi, tu comprends, moi, être réfugié. Merci beaucoup, merci, je refuse jamais une bouteille de toute manière, il y a beaucoup de choses qui se refusent pas de nos jours. Tu sais, on prend les verres de soda, genre on vide les coca et on remplit, et on met les petites pailles dessus. Donc, papier, c'est pour moi. J'ai besoin... Enfin, bon, papier américain, ce serait bien, mais je crois que ça ne court pas trop avec tes accents. Donc, green card pour le moment. Tu vois quoi moi vouloir? Papier, séjour, étranger, officiel. Je peux vous faire ça très très vite. Ah, parce que tu comprends, avec autorité... autorité juste... fasciste de Donald Trump, ouais, pas vouloir immigrant comme moi. Ça je voudrais juste... Je voudrais juste, excusez-moi, mais il faudrait qu'on aille tous ensemble aux toilettes. C'est dans son habitude de demander ce genre de trucs. Yasmine, lui est l'exhibitionniste chelou ou voir nous. Je pense qu'il a... Non, je pense que c'est habituel. Okay. T'en fais pas, j'ai habitude. Ruby, je me lève et j'y vais. Ruby, dans ton cas, tu ne saurais pas dire si c'est vraiment habituel, parce que la plupart des fois où tu l'avais rencontré, c'est lui qui venait rencontrer votre groupe. Cette fois-ci, c'est du coup un rendez-vous extérieur. Donc tu ne sais pas si c'est dans les habitudes. Tu sais simplement qu'il avait déjà discuté un peu d'aspects un peu paranoïaques, peut-être, de sa personnalité. Ça se remarquait un petit peu, il parlait du gouvernement américain et ce genre de choses. Mais... Tu ne sais pas vraiment si c'est dans ses habitudes quand c'est lui qui mène la danse ou pas. Ok. Dans ce cas-là, je vais suivre. J'ai confiance en lui. Du coup, vous le suivez. dans les toilettes. Et ce qui se passe, c'est simplement qu'il vous fait rentrer un à un, enfin chacun son tour, avec lui dans la même petite cabine. Et il vous dit simplement, l'un après l'autre, déshabillez-vous. Putain, ouais, je savais, lui exhibitionner solo. Nous sommes des adultes consentants, si vous ne voulez pas, vous pouvez quitter les lieux. Mais, déshabillez-vous. Je dois regarder Slip. Je préférerais que... vous... Non, je garde le slip. Pas de négociation possible. Je peux pas tenter un G. Allez, vas-y, fais-moi un G. J'ai d'intimidation, je sais pas. Allez, d'intimidation, si tu veux la faire grandir, tu peux. Ok. Moi, je m'en fous, je me déshabille, c'est bon. Ok. Je sais juste que c'est un parano, il a peur qu'on ait des micros de la CIA, donc je sais pas quoi. 19. Enfin, j'espère que c'est ça. Okay, il prend 19, des photos. Tourne-toi un peu, s'il te plaît. 19. Ok. Ok, très bien. Du coup, bon, il fait bon, très très bien, très bien. De toute manière, bon, j'avais ni envie de voir ce que vous avez, ni d'aller fouiller moi-même. Alors, vous pouvez garder ce que vous voulez garder. Ok, sauf que maintenant, c'est toi à poil, tout de suite. Bon, bah, j'imagine que oui, on est tous égaux, donc. Du coup, il se déshabille un peu lui aussi. Wow, c'est comme ça que ça marche business. On est tous en slibard dans la cabine de toilette. Vous voyez qu'ils vous regardent tous de haut en bas. Ils vous observent, ils vous demandent de vous tourner un peu puis de vous remettre face à lui. Et puis il commence à se réhabiller, il vous fait signe de vous rhabiller, il fait « Je suis désolé, mais en ce moment, c'est un peu compliqué, il faut dire que les gens avec qui je bossais, avec qui Ruby bossait, bon, ils ont... ça s'est pas très bien passé, et il me semble bien avoir entendu parler que Ruby, d'ailleurs, s'était fait avoir rapidement, donc... » Ouais, je viens de sortir de d'Arkham. Voilà, donc il fallait quand même vérifier si elle n'était pas sortie avec un peu d'aide du gouvernement. Je comprends. Vous comprendrez. Beaucoup de Vargol balance à Gotham ou indique. Oh, ça arrive pas mal. Vous savez, il y a autant d'indiques que de flics corrompus. Ouais. C'est les mêmes. Et souvent, c'est les mêmes. Yes. Donc vous ressortez des toilettes, il va se réinstaller à la table, il vous dit « Bon, ça vous dérange pas si je mange pas mon burger maintenant, mais bon, peut-être plus tard. » Toi, faire quoi vouloir cette propriété maintenant, green card. Alors, oui, exactement. On va discuter sérieusement. Vous avez de l'argent sur vous? Bien sûr, toi être fou quoi. Alors, je vais être gentil, je suis en fin de vie, j'ai juste un loyer à payer. Et vous, je vous aime bien. Je vais seulement vous demander $150 et ça sera très bien. Ok. J'ai vécu une belle vie. J'ai pas besoin de me payer de limousine ou des guns en or comme certains ou je ne sais quoi. Ça va être tout à ton honneur. Écoute. Pour la petite 150 $. Pas de problème. Ah, parfait, parfait. Combien de temps de délai Ça devrait. Honnêtement, si vous voulez quelque chose d'immédiat, je peux vous le faire très rapidement. Juste, je vais chez moi, je vous le ramène immédiatement. Cependant, ce ne sera pas parfait. Ce sera juste à garder temporairement jusqu'à ce que je vous donne quelque chose de plus sûr, mais si on fait ça, il faudra me donner $50 de plus parce que bon, ça fait quand même 2 cartes à faire. Ok, tiens, je te donne $100, ok? Je veux que toi, on fait ça les deux. Tu as appliqué extrêmement bien pour vraie carte et coup, tu me fais carte potable pour que je puisse traverser Gotham sans problème avec contrôle de police et de institutions. Ok. Alors, vous avez vous voulez un nouveau nom? Et le problème, c'est que moi, j'ai gueule d'étranger et j'ai accent étranger, mais je peux pas utiliser vrai nom. D'accord. Connaître. Donc. Donc, on va dire Michael. Michal. Onorski. Ok. Onorski. Très bien. Eh bien, je vais pouvoir me mettre au boulot. Je vais vous laisser pour l'instant. Là, c'est le MJ qui parle. Je vais vous laisser de votre côté et je vais rejoindre nos deux bonhommes qui sont restés chez eux. Je ne sais plus parler le francilien. Au Our Alibi. C'est ça. Alors, de votre côté, vous vous êtes un peu installé, vous avez remis les choses un peu dans l'ordre, vous avez continué un peu à nettoyer les lieux quand même pour que ce soit un minimum présentable avant que les travailleurs viennent un jour ou l'autre pour refaire la décoration. Jean-Baptiste, t'as réussi à trouver un point où tu pouvais te connecter au moins de manière temporaire à la Wi-Fi des voisins du dessus pour avoir quelque chose. Voilà, c'est le pour voir la base hein, avant de faire quelque chose de très sérieux, mais il va falloir plus d'efforts que ça, mais voilà. Et vous avez fait un peu vos petites recherches. Pour l'instant, vos recherches ne donnent rien. Voilà. D'accord. Enfin, ne donnent rien. Mais en même temps de rechercher cette fameuse dame, je peux chercher les comptes bancaires des deux personnes qu'on a au-dessus. Non. Eh bien, je vais te demander un jet d'informatique. Je sais plus si j'ai appelé ça informatique ou si j'ai appelé ça autre chose. Tu as fait... Informatique, oui. Ah, je suis pas dégueu en informatique, non plus. On va bien s'entendre. J'ai fait 13 sur 50. Ok. Du coup, tu t'es connecté donc à leur Wi-Fi. T'as essayé de chercher un peu, voir s'ils avaient fait des petites transactions récemment, si t'avais accès à des codes, si t'avais accès à quelque chose. Et il se trouve que, malgré tous tes efforts et malgré tout ton talent, ils ne semblent pas être du genre à utiliser Internet pour acheter quoi que ce soit. Ok, c'est vieux. c'est bien possible que ce soit des vieux, ou en tout cas, tu ne trouves rien de très utile, mis à part si tu veux... un mot de passe pour leur Facebook, pour, je sais pas, essayer de faire un scam, j'en sais rien. Mais je peux en faire, hein. Juste pour les liens. Moi, je suis à côté moi, de toi, en train de regarder un peu ce que tu fais, vu que je t'avais demandé de faire quelque chose pour moi. Du coup, j'en profite pour te demander un autre nom. Ouais. Un autre nom, si tu peux essayer de trouver un certain Patrick Descartes, si jamais tu avais une trace de personne de ce nom, même si tu vois que je te pose la question, mais que j'y crois pas vraiment, parce que je vois que c'est un peu une question par dépit. Eh bien, Jean-Baptiste, tu te mets au boulot, et je te demande pas de jet quoi que ce soit, parce que c'est surtout de la recherche sur Internet, pour l'instant, c'est pas genre hacker quoi que ce soit. Mmh. Ouais. Mais tu trouves très rapidement, donc, Patrick Descartes, donc, qui est un... Enfin, tu le trouves. Tu trouves pas là où il habite ou quoi que ce soit, mais tu trouves des résultats à tes recherches, qui sont que, donc, Patrick Descartes est un bonhomme qui aurait été lié à une affaire, a priori, qui est l'affaire du gang du Red Hood. Donc des gars qui mettaient des cagoules rouges quoi pour faire des braquages et comme ça, comme tout le monde le fait, on sait jamais qui a fait quel braquage ou quoi que ce soit. Il était lié à ça et il aurait servi d'informateur pour la police, ce qui aurait permis de mettre sous les barreaux un certain Paul Edouard. Je le regarde, je fais « Eh bien, on fréquente avec la grande délinquance !» Et un barlou en masque rouge là qui a des flingues. Ouais, vas-y, continue. Hein. Ouais, et ce que tu trouves, c'est simplement que les dernières nouvelles qu'il y a, c'est qu'il aurait été placé simplement sous protection de témoins. Parce que toute cette affaire de braquage qu'il y avait eu récemment, il y a quelques années avec le gang du Red Hood, c'est une des choses qui a provoqué la fracture dans la fameuse mafia grise qu'il y avait à l'époque, qui était toutes les mafias unifiées, qui a fait qu'aujourd'hui il y en a plusieurs. Donc ça, c'est un truc assez chaud, tout le monde basiquement voulait sa peau, et pas seulement les gars qui l'avaient trahi, mais sûrement tout le milieu. Donc il a été placé sous protection de témoins, et tu ne trouves pas pour l'instant d'autres informations, il a sûrement l'identité, et il est peut-être même pas à Gotham. Je lui ai mis la main sur l'épaule et je dis Jean-Baptiste, tu fermes ta gueule par rapport à ça, ok? Ça marche. Pas d'extra. Merci. On verra. Tu peux passer mon extra, s'il te plaît, dans mon sac là, ouais, s'il te plaît. Je passe. Merci. Bien. Donc pendant que Jean-Baptiste déguste son ecstasy. Et qui se rapproche chaque jour un peu plus de l'overdose. Vous entendez tous les deux à l'extérieur, devant le MyAlibi, dans le fameux petit parking qu'il y a devant le MyAlibi, qui sert de parking pour le bloc d'appartement. Vous entendez une voiture qui a l'air de se garer, mais directement devant l'escalier qui mène au MyAlibi, donc même pas sur une place de parking. Vous entendez que le moteur tourne toujours, mais vous entendez les portes se refermer, le moteur toujours tourné. Je ferme tout dans mon sac et je pars me cacher dans un mur. Je peux pas me cacher derrière dans la pile d'à côté. Et je prends pour les yeux. Edouard fait allez, viens, viens, viens. Oh, moi, si je chope genre un morceau de ferraille ou un truc qu'on avait d'avant, on sait jamais. Au cas où, tu vois. Ouais. Je continue mon recherche pendant que tu tabasses les gens s'il y a des gens qui peuvent tabasser. Enfin, Jean-Baptiste, tu vas te cacher un peu plus loin, tu vas te cacher à l'arrière. Et Paul-Edouard, donc tu restes là, tu prends de quoi te défendre et ouais. Tu attends. Tu te places dans la salle du bar ou dans l'arrière-salle ou quoi que ce soit. Je vais m'asseoir sur une des chaises qui est un peu abîmée depuis, à une table. Et genre les pieds, tu sais, sur une autre chaise. En mode là, ma main avec la barre que je tiens et qui est posée sur la table. Et j'attends. Ok. Du coup, tu attends et tu commences à entendre les bruits de pas dans l'escalier. Il faut dire que cet escalier est un peu toujours humide en quelque sorte parce que le soleil ne tape jamais dans cet escalier et quand il y a de la pluie, ça coule jusqu'à la porte. Mm-hmm. Donc tu entends les bruits de pas sur les petites flaques d'eau qu'il y a dans l'escalier. Et tu entends que ça s'arrête devant la porte. Un petit moment, comme si quelqu'un écoutait simplement. Puis, on toque deux fois. Très doucement, mais on toque quand même deux fois à la porte. Je gueule. Entrez ! Il n'y a pas de réaction immédiate. Et la porte finit par s'ouvrir, lentement là aussi. Dévoilant un homme que tu n'as jamais vu, ni Dave ni d'Adam, qui est simplement un homme qui a l'air d'être dans la cinquantaine. Il est un peu grisonnant, les cheveux courts, il a une espèce de petite barbe rasée très court, mais une petite barbe quand même, un peu grisonnante elle aussi. Il a des lunettes assez épaisses, dont les verres sont rouges. Ok. Et il est habillé avec un espèce de manteau mi-long. Et en dessous, des habits comme si c'était simplement quelqu'un qui était à la retraite, avec un petit pull un peu tranquille, un petit pantalon un peu tranquille, si ce n'est pour sa veste qui fait un peu plus gangster qui veut se la donner, enfin qui veut vous montrer que c'est un dur ou quoi que ce soit. Ok. Mais mis à part ça, c'est un cinquantenaire. Bah, quand il rentre, je fais... On n'est pas encore ouvert. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Bonjour, bonjour, excusez-moi. Les propriétaires ont encore changé ? Ouais, c'est nous maintenant. Je vois. Vous auriez pas rencontré deux bonhommes, enfin deux personnes qui vivaient ici, un homme et une femme? Effectivement, ils vivaient là, mais ils n'avaient pas à y être. On leur a demandé simplement de quitter les lieux. Quoi, vous les connaissez? Je les connais, oui. Tu vois qu'il s'approche de toi, mais presque pas d'un air menaçant que ce soit. Il arrive presque en tendant la main vers toi, tu vois, avec l'entrain de saluer quelqu'un comme il le ferait avec n'importe qui dans la rue, quoi. Moi, bah, je pose les pieds par terre et je lui tends la main. Voilà, il empoigne ta main, tu vois qu'il a l'air d'y donner quand même un petit effort pour montrer qu'il a une petite présence, tu lui sers pas une main moite, quoi. Il dit, je présente, je suis Looney Royal. Je lui pousse la chaise et je dis, assis-toi. Avec plaisir. Il s'installe et il continue. Je suis ce qu'on peut dire, je suis un contractuel. Je fais un peu ce dont les gens ont besoin, ce qu'on me propose en échange d'argent. Et il se trouve que dans mon cas, j'ai été payé par plusieurs personnes dans le quartier pour surveiller un peu les alentours. Mm-hmm. Dont les deux personnes que vous avez mis dehors. Vous les protégez, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça fait sens. Après, on les a pas tués, y a pas de souci. Ils sont juste partis. Car ils n'avaient pas à être ici. Je sais que vous ne les avez pas tués. Monsieur Méli va mieux d'ailleurs maintenant. Ce n'était pas très grave. Ah, vous les avez vus alors? Je les ai vus, oui. Pour être honnête, je vous jaugeais un peu pour commencer. D'accord, ok. Bon, après, j'ai malencontreusement... peut-être un peu malmené le monsieur, puisque il a, comment dirais-je, essayé d'user de stratagèmes pour nous faire partir, ne sachant pas qu'il se cachait derrière le mur, et je lui montre le mur avec le trou dedans. Il est probable que je lui ai fait un petit peu mal, mais ça n'a pas été plus loin. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Tant que je sais qu'ils sont en vie, tout va bien. Mmh. Maintenant, le problème, c'est que j'ai été payé justement pour les garder en sécurité, ici. Ah ah. Mais alors qu'on fait comment? Parce qu'on est chez nous. Vous voulez qu'on vous montre les titres de propriété? Je ne pense pas que ce soit spécialement utile. Vous savez, il y a beaucoup de faussaires à Gotham. Ah, mais... Je sens mon bras et je vois une liasse de billets. Je lui dis, tu veux ça? Ah, après, je lui dis, moi je me mets devant, je lui dis, non, mais de toute façon, ils sont vrais. Donc, il regarde dans ta direction, Jean-Baptiste, tu passes un peu la tête à travers la porte quand même, ou tu passes juste ton bras et... Je mets juste mon bras, il veut juste un bras musclé sortir, et il veut, tu veux ça? Du coup, avec un truc blanc qui sort de la pièce. Paul et Edouard, tu vois que le type regarde vite fait les billets qui lui sont proposés, mais il ne fait pas de mouvement pour se lever ou quoi que ce soit pour aller les récupérer. Il dit non, je suis désolé pour. Peut-être que c'est la manière dont vous faites vos affaires, mais quand je signe un contrat, je le respecte jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Si vous êtes censé les protéger, essayez de leur trouver un autre endroit. Mais ce ne sera pas celui-là. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire à cet endroit? Il est complètement ruiné. Eh bien, nous voulons ouvrir un bar et faire fructifier notre petit business. Je pense comme la plupart. En ouvrant un bar ici, vous savez quel genre de clientèle vous allez attirer? Ben, ce sera la clientèle qui viendra. Écoutez, je pense que c'est un business comme un autre. Vous avez votre business, nous aurons le nôtre. D'ailleurs, vous serez le bienvenu ici pour boire un verre de temps en temps. Et peut-être faire des affaires avec nous, pourquoi pas. Vos contrats pourraient être intéressants pour nous, et puis également. C'est vrai. Et nous n'en voulons pas à ces deux personnes. On n'a pas cherché à leur nuire. Ils étaient juste là alors que nous avions acheté ce lieu avec des papiers qui sont 100% vrais. On leur a simplement demandé de trouver un autre endroit. Je sais que c'est compliqué dans le secteur. J'étais moi-même il y a quelques temps ici. J'ai connu le Mayalibi dans d'autres temps. Comment ça, je sais? Oh. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez et vous déguiser, mais votre photo était sur les journaux à un moment. Il y a quelques années. Je me tiens bien au courant. Ok, donc vous savez... Moi, je me lève. Oui. Je me lève. J'amène deux liasses de billets. Je dis... Je mets sur la table et je dis... Maintenant, tu prends ça et tu te casses. Tu vois, je mets ma main dessus. Je dis... JB, le monsieur nous écoute. Je pense que nous entendons bien. Il n'y a pas de problème avec ça. N'est-ce pas? Très bien. Voilà, donc je te rends les billets et je dis voilà, on fait connaissance. Je vois que vous me connaissez, ça quelque part, ça veut dire qu'on ne m'a pas oublié. C'est bien et à la fois moins bien, on va dire. Ça dépend comment on se place. En tout cas, voilà, on est là pour avoir un business tranquille, pas de vagues, juste. Faire du business. Et vous comprenez d'autant plus que vous faites la même chose que nous. Vous êtes combien dans votre petit groupe? À l'heure actuelle, je regarde JB, on est combien Au moment, on est que deux. Mais c'est lui qui s'occupe de la compta et tout le reste. Hein. Je m'occupe d'autre chose. Et vous avez un petit nom? Quoi? Vous avez un petit nom? Oh bah, oui. Écoutez... Votre groupe, je veux dire. On n'a pas de nom. Le Our Alibi. Je vois. Voilà, oui, on va changer le nom du coin. Je pense que c'est bien de rafraîchir un peu, peut-être, même si on garde la même base. Oui. Bon, vous voyez qu'il se relève un peu de sa chaise. Il va pour vous resserrer la main à tous les deux, de chaque main. Une main vers vous, vers chacun. Il vous serre la main. Il dit, bon, je vais repartir alors. Je pense que, pour ce qui est de mon contrat, malheureusement, nous sommes arrivés à une impasse. Et je ne souhaite pas que cela se passe mal. Eh bien, tant mieux. En tout cas, sachez que vous êtes le bienvenu chez nous. Vous avez une chaise maintenant, je vous l'ai donnée. Vous pourrez vous asseoir autant de fois que vous voulez, venir boire un verre. Et à l'occasion, je pense que nous serons ravis de pouvoir faire affaire avec vous. Et à l'occasion, ce serait plutôt bénéfique. Avec plaisir. Je vais repartir. Simplement, si vous voulez faire affaire avec moi, je tourne souvent le matin et le soir en voiture dans le quartier. Je ne vous donnerai pas de numéro ou quoi que ce soit. Il suffira de me repérer au passage. Soyez un peu attentif. Votre nom? Looney Royal. Looney Royal. Ok. Exact. Je ne me présente pas, vous le savez déjà. Je fais de la protection, je fais du nettoyage, je garde les lieux comme vous voulez. Eh bien écoutez, on sera ravis de faire appel à vos services si jamais on en a besoin. Et il est fort probable peut-être qu'un séjour, on en ait besoin. Mais passez quand même le bonjour aux deux. Et excusez-nous. Deux. Et là, je prends une des liasses de que t'as mis sur la table. Donnez-leur ça de notre part. Ah, malheureusement, mon contrat ne comprend pas coursier. Eh bien, tant pis. Tant pis pour eux. Il se dirige vers la porte et avant de l'ouvrir, il se retourne vers vous et dit « Vous avez eu des soucis depuis que vous avez emménagé ici ?» Je me Non, pas spécialement. Non, non, je suis fier. On vient d'arriver. Pourtant. D'accord, d'accord. Pourquoi il y a des soucis en ce moment dans le secteur? Il y a des choses qu'on devrait savoir. Vous doutez que si j'ai été engagé par deux personnes qui se cachaient dans un bar et qui n'avaient plus de domicile, c'est sûrement qu'ils craignaient quelqu'un. Écoutez, dans ce cas-là, vous savez quoi? Et je reprends les billets. On vous engage pour surveiller un petit peu le secteur pour nous. Et si jamais vous êtes au courant de quelque chose qu'on devrait savoir, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Très bien. Il prend les billets, il les met dans sa poche et il dit « Soyez simplement à l'affût d'un groupe de deux personnes qui sont assez jeunes. Je ne saurais pas encore de quel âge, je dirais entre... ils doivent avoir la vingtaine. Ils se font appeler les superstars. A priori, ils sont liés à d'autres groupes plus nombreux, c'est ce qui les rend assez dangereux. Et de ce que j'ai compris, simplement, ils se battraient à l'arme blanche et ils recouvrent leur arme blanche de d'un peu tout ce qu'ils peuvent trouver, de l'essence, du poison, des ordures ou quoi que ce soit, histoire de bien infecter les plaies. C'est principalement d'eux que je m'occupais. Ils aiment bien le My Alibi, a priori, donc vous allez sûrement les croiser un moment ou un autre. Vous connaissez leur nom? Non. Si je le savais, ils auraient déjà reçu ma visite, évidemment. C'est plus simple de se débarrasser d'eux que de faire des tours dans le quartier. Ah, bah, si merci, on ne téléphone pas. On va faire attention, en tout cas. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, et à bientôt. À bientôt. Il quitte les lieux. Il quitte les lieux, vous l'entendez monter l'escalier, vous entendez, a priori, il remonte dans sa voiture, il avait laissé le moteur allumé, et il repart. Peu de temps après, vous êtes rejoint par vos trois compagnons avec notre cher Michael Onorski qui a sa Miral. C'est Miral. Miral. Miral. Ouais. Avec sa nouvelle petite carte temporaire pour le moment parce que ce n'est pas celle qui est parfaite mais qui est quand même une carte d'une certaine qualité. Pour quelque chose qui a dû être fait le jour même, genre en une heure, un truc comme ça, c'est étrangement qualitatif. Vous vous retrouvez donc au My Alibi à nouveau. Our Alibi. Je vous ai rapporté des burgers. Oh, merci. Bon. Justement, j'étais en train de parler. Ça a donné quoi alors T'as fait ce que tu voulais? Je suis officieusement citoyen immigré, permis de travail aux États-Unis. Et ok. Et pas belle la vie. Ah. Bonjour. Bienvenue à Gotham, alors. Bienvenue aux États-Unis. Merci. Tu peux m'appeler Michel. Michel. D'accord. Non, je rigole. Et vous m'appelez Marco, hein. C'est pour les flics. Marco, Michel. D'accord. Ah, Michael. De notre côté, on a une petite visite surprise. Ouais, surprise. Certain Looney Royal. A priori, ça doit être un gars qui travaille sur contrat, qui fait de la protection et d'autres petits métiers de contrebande ou c'est un mafia. Nettoyage enfin il fait un peu tout et il est venu nous voir pour les deux qu'on a foutu dehors. Il bossait pour pour eux. Il avait un petit contrat de protection. Et... Tu lui as mis une balle dans la tête. Non, c'est un bon gars. J'ai pas voulu partir dans la violence. Je pense que il a l'air d'être réglo et que ça peut être un gars avec qui on peut bosser à l'avenir. Du coup, j'ai réussi un peu à nous le mettre dans la poche. Il a laissé tomber pour les deux vieux. Et maintenant, il va nous renseigner sur le quartier. D'ailleurs, il nous a prévenu qu'il faut faire attention car en ce moment, il y a une petite bande de jeunes qui traînent dans le secteur qu'on appelle les superstars et qui seraient assez violents et qui aiment bien le Mayalibi, qui sont déjà venus plusieurs fois et qu'il est possible qu'on croise leur route et qu'il faut qu'on fasse gaffe à eux. Juste qu'on trouve Aram, puis c'est bon. Ouais, après, je pense qu'il faut faire attention quand même, parce qu'ils ont l'air de connaître le coin. Et voilà. Ils connaissent des gros. Je pense qu'il faudrait voir si, dans un premier temps, on peut pas essayer, pour éviter peut-être de les embrouilles et la violence. Pourquoi pas, comme ce Looney Royal, de peut-être s'en faire des hommes, enfin, du personnel demain, enfin, des gens qui pourraient bosser pour nous de façon un peu plus détournée. Des petits jeunes, ils prennent un billet, ils font 2-3 conneries pour nous. Ça peut toujours servir, non? On va avoir bonne expérience avec Enfant Soldat. Je pense que je peux faire des choses avec eux. Si tu veux, mais ouais. Je ne fais pas confiance avec ces Enfants Soldats. Écoute, N'empêche, faut qu'on fasse gaffe. S'il y a du monde qui vient en Mayalibi, généralement, faut vraiment bien planquer l'argent et tout et tout. Enfin, en tout cas, voilà. J'ai filé un peu de thunes. Enfin, on a filé un peu de thunes à ce Looney. Et maintenant, il a pour contrat de surveiller les environs pour nous et nous prévenir de tout ce qui pourrait nous être nuisible. Donc si jamais il y a une merde, il viendra nous voir. Il passe souvent le matin, oui, en bagnole. Donc, on verra. C'est un gars avec des lunettes rouges. À l'époque, il avait des lunettes rouges, le vieux. Ah, je sais pas, c'est ce que j'ai cru lire quelque part, je ne sais pas où. Ouais, c'est peut-être enfin, la drogue, voilà, aussi, ça fait que j'ai une lettre. Mais voilà, enfin, sinon ça se passe bien. Tout va bien. Bon, on fait quoi maintenant? Peut-être un petit peu d'aménagement. On pourrait repeindre 2-3 trucs, etc., histoire de donner un petit coup de neuf à l'endroit et peut-être changer officiellement, commencer à changer le nom de vent, puis recruter du personnel. Si on veut lancer le bar, autant lancer le bar le plus vite possible, que la rumeur se répande petit à petit qu'on ait nos 2-3 premiers clients dans la semaine. Bah, normalement, les gars que j'ai contactés devraient venir demain pour commencer à en retaper fait un peu l'endroit. D'ici là, je pense que, voilà, soit on se pose un peu, ou si certains d'entre vous ont peut-être des choses à faire, à récupérer les affaires à droite à gauche, je sais pas d'où vous venez, mais... Pourquoi pas, j'aurais peut-être 2-3 courses à faire de mon côté. D'ailleurs, question au MJ, mais on a tous nos... un pied à terre en dehors, parce qu'on peut pas dormir au Mayalibi, c'est pas un endroit pour crêcher, donc nous, on crêche où? Parce que c'est quelque chose aussi de ce qu'on doit y penser. Bien, pour les gens qui ont... Ouais, il y a les gens qui peuvent toujours... vous pouvez toujours vous arranger pour vous enfiler au Mayalibi, mais, enfin au Hour Alibi. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez vous trouver un appartement quelque part, si vous voulez une chambre de motel ou quelque chose comme ça. On peut toujours regarder s'il n'y a pas un truc de disponible dans les appartements juste au-dessus. Moi, c'est ce que je vais aller faire, je pense. Je vais aller checker, voir s'il n'y aurait pas un truc de libre... Je vais aller voir le gardien, ouais, je pense. C'est pas faux, l'idéal. C'est sur une petite colocation, à mon avis, un truc comme ça. Ouais. Et au pire, on achète les 2-3 appartements du dessous et on pète pète les murs entre et on se fait un grand truc. Ouais, je sais pas. Bah, après, c'est en dessous, on est en bas. Non, mais au-dessus, les appartements du dessus. Ah, au-dessus. Mais est-ce qu'on a les sous? Je pense pas, non. On a les moyens. Ah, il y a des gens qui habitent. Les sous, on a déjà vu ça, c'est pas grave. Tenez à vous dire qu'il y avait des gens qui habitaient en haut. J'ai un peu hacké et j'ai vu qu'il y avait des gens qui habitaient au-dessus. De toute façon, on va les faire partir parce que, avec le bar, c'est pas possible d'avoir des gens qui. Enfin, ils vont pas aimer. Partir deux personnes et on a eu une visite de quelqu'un, donc évite de faire partir tout le monde. Est-ce qu'on ne se pas passer pour des policiers et on leur dit qu'il faut que c'est le moment pour eux de bouger et qu'ils doivent quitter. Vous savez, le confinement, tout ça, les gens qui sont sortis du quartier. On sait pas à qui on a affaire, honnêtement, et JB a raison. Ouais. Si jamais eux aussi ont des gens qui les protègent, comme nos deux petits qui étaient là, on risque de se ramener, de voir rapidement des gens débouler pour la protection. Donc je pense qu'il faut faire ça tranquillement, essayer de négocier avec les gens avec un peu de dollars, mais. Mais. On s'en fout, à partir du moment où on sera armé, il n'y aura plus de problème. Parce que, qu'il va faire ton gars? Faut savoir. On ne sait pas si à qui on a affaire, on n'est pas chez nous. S'il sort une Kalachnikov, nous on aura 5 Kalachnikov. Donc du coup, tu fais la soustraction, c'est lui qui meurt. C'est sûr, mais tu fais parler de toi, tu fais parler du Our Alibi, et c'est déjà un bain de sang. Ça veut dire que déjà. On peut être localisé par la police. Tu crois qu'il y a la police qui peut te... Mais on sait jamais. Il faut éviter de faire parler de nous. Il faut être un petit peu furtif pour l'instant. Tant qu'on n'a pas un peu de poids, il faut qu'on fasse pas parler de nous. C'est pas le moment. Ça te pas raison pour se faire mâcher dessus. Oui, mais on n'est pas en Europe ici. Si on est aux États-Unis. Ici, ça va vite, les informations, beaucoup plus vite qu'en Europe. Faisons ça tranquillement, dans les règles, j'ai envie de dire. Et petit à petit, on va grossir. Voir déjà s'il n'y a pas quelque chose à louer dans l'immeuble. Si on peut pas trouver un truc, un appart à louer, dans un premier temps, et après, on rachètera tout. Comme voilà. Dit, moi je vais aller voir le gardien, je pense. Ok, ça marche. Bah écoute, je la connais. Tiens au courant. Je vous tiens au courant, de toute façon, c'est juste au-dessus. Je suis retour dans 2 minutes. Donc, du coup, de ton côté, donc Ruby, tu vas quitter le Our Alibi pour juste aller devant le bâtiment et aller voir au niveau du gardien. Et tu vois qu'en effet, il y a une petite porte à l'entrée qui est ouverte. Qui ouvre directement sur un espèce de petit bureau. Il y a un type a priori qui est installé, qui est en train de regarder la télé. Et ça a l'air d'être un petit vieux, enfin il doit avoir 70 ans, un truc comme ça. Et qui est installé tranquillement, qui a pas de cheveux, pas de barbe, qui a une corpulence très très fine là aussi. Et tu vois qu'il te remarque même pas en réalité quand tu rentres à l'intérieur et continue à regarder la télé. Je toque. Tu toques dans le coin de la porte, tu vois qu'il relève, qu'il sursaute quasiment d'un coup, il met la main sur son cœur, il fait « Oh mon Dieu, mais vous êtes... Mais vous êtes complètement folle de sauter comme ça sur les gens. Vous savez que je suis armé, hein ?» Ouais, je sais, je sais m'en servir. J'en doute pas une seconde. Dites-moi, vous auriez pas un appartement ou deux de vide par hasard? Je cherche un endroit dans le coin à m'installer. Fais-moi un petit jet de étiquette, s'il te plaît. Si tu en as. Yes. Je crois qu'il y a une étiquette normalement quelque part. Standing, c'est standing. C'est le nom. Standing. Alors, yes, j'ai 15 et j'ai fait 52. Ok. Moi qui regarde et qui fait... je pense pas que vous auriez les moyens de vous payer quoi que ce soit. Dites un chiffre. On est sur les alentours des 1200 par mois. On est d'accord. Le souci, bon, le truc c'est que j'en ai les moyens, mais bon, 1200 par mois, on va pas abuser. Vous savez, écoutez, mon les enjeux du moment, c'est pas de payer, c'est pas de laisser les gars qui se font expulser réhabiliter dans le quartier. Ouais, mais voyez-vous, moi je voudrais juste trouver un petit appartement tranquille avec mon père. J'ai insisté pour venir négocier avec vous, mais bon, il attend dans la voiture en bas. Si vous voulez, je peux venir chercher. Et malheureusement, disons qu'il est un peu plus dur en affaires que moi. Disons 500, et je vous paye plusieurs loyers d'avance. Et moi, un petit jet de marchandage, on va dire. Yes. J'ai fait 3. Ah bien. J'aimerais cette critique de la session. Bah, j'ai même pas combien j'ai, mais j'imagine que j'ai... Tu vois qu'il te regarde un petit moment et il fait bon. Même en vrai, je vais demander à 450 plutôt. C'est un peu trop tard quand même. Ce qui dure que 500, c'est beaucoup quand même, mais bon, c'est pas grave. Si je regarde un petit peu et il dit c'est vrai que même si on essaye de renouveler, de changer un peu de clientèle, je risque pas d'avoir grand monde avec 1300. Bon, écoutez, je veux bien. Vous bossez quelque part? J'hésite à... J'ai entendu dire que il tentait de réouvrir le bar juste en dessous. J'aimerais officier comme serveuse. Quelque temps, mettre un peu de côté pour ouvrir un salon de tatouage au minimum. Vous êtes sûr pour être serveuse? Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais la dernière... On a... C'était de la bouillie à la fin. J'ai cru comprendre que la politique actuelle allait être un peu plus... honnête. Que le quartier craigne de moins en moins. Vous voyez, bientôt, d'ici un an, de toute façon, tout aura été balayé, la vermine n'existera plus à Gotham. En tout cas, pas au Grand Quartier d'Arkham. C'est vrai. Et puis avec mon père, ton propre... Croyez-moi que ça va changer ma vie, parce que le nombre de fois... où quelqu'un est venu y passer qu'une seule journée en disant qu'il voulait louer la chambre, enfin le... qu'il voulait louer l'appartement pendant des mois et qui a disparu. Ou qu'ils ont foutu... Il y en a certains, vous savez, qui ont récupéré tout ce qui était métallique, tout le cuivre, tous les câbles, et qui sont partis. Ils ont remplacé les ampoules par des ampoules à basse consommation, j'imagine. Quand ils se donnaient la peine. Non, bon, disons que ça me va, plus si vous travaillez en dessous, de toute manière, vous aurez aucun moyen de me fuir, donc. Écoutez, vous avez plusieurs appartements de libre? J'en ai un qui est... Dernier étage. Qui est au troisième. Ok. Tu sais que c'est un... Je dis ça en tant que MJ, tu sais que c'est un bloc d'appartements qui a 5 étages. D'accord, ok. Et il y a combien d'appartements par étage? Il y en a 3 par étage. Ok, très bien. Balcon? Peut-être un peu trop demandé, j'ai pas vu. Alors, c'est pas vraiment des balcons, mais t'as des espèces de petits trucs où tu peux fumer. J'aurais une dernière question aussi. Est-ce que... Bon, j'imagine que l'électricité, l'eau est à notre charge. Non, c'est compris. Enfin, c'est à la charge, Vous sûr. Savez, c'est compliqué. Sûr. Combien de pièces dans l'appartement quand même, histoire de savoir, sinon j'imagine qu'on va aller le visiter bientôt. Oui, c'est des 4 pièces. Oh, c'est des petites pièces, mais c'est 4 pièces. Intéressant. Et oui, une dernière question. Du coup, s'il y a 3 appartements par étage, j'imagine que chacun fait plus ou moins un angle. C'est ça. Sur quoi est-ce que j'ai vu ? Là, sur la rue, sur l'arrière rue avec les poubelles. Peu importe le côté où vous regardez, vous aurez des vues sur les ruelles et les poubelles. Ok, très bien. Eh bien écoutez, je reviens dans 2 minutes avec mon père et 3 000 $ pour les 6 prochains mois. Donc 500 fois 6, 3 000 $. Eh bien très bien. On vous paye sans liquide, j'imagine que vous avez l'habitude. Oui, puis, évidemment. Eh bien tout de suite, et dans ce cas-là, je redescends. Je sais pas, est-ce que tu fais jouer les autres ou ce qu'ils ont fait en attendant? Je sais pas si tu vois suffisamment. Les autres, si vous voulez faire des choses particulières en attendant? Ah non, moi je dis j'attendais qu'elle vienne me voir pour me dire ce que ça donnait. Ok. Moi, il fallait peut-être que j'aille voir les frères Cohen pour acheter de l'agneau. Ok. Moi, je vais appeler un déménageur et je vais demander qu'on déménage mon petit appartement qui est dans la rue des Asiates pour l'amener jusqu'ici pour pouvoir avoir tout mon matos et avoir mes meubles et tout ça si jamais je prends un appart. Ok, très bien. Bon, du coup, pour Paul-Edouard et Jean-Baptiste, je vais pas vous faire spécialement jouer ce que vous avez joué parce que c'est rien de particulier. Dire Marco Non ah. Non, Paul-Edouard aussi, vu que toi tu voulais juste attendre. Bah après, je croyais qu'elle venait me chercher moi parce qu'elle a dit qu'elle allait venir avec son père. Alors je suis pas Ah oui, non, mais là c'est dans l'entre temps quoi, c'est pendant qu'elle faisait des trucs. Voilà. Ah d'accord, pardon, autre point. Voilà. De ton côté, je vais faire jouer Marco du coup. Marco, de ton côté, tu t'es mis en route pour aller voir les frères Cohen pour régler un peu les affaires que vous avez ensemble, pour mettre les choses au clair et ce genre de choses. Tu conduis jusqu'à chez eux. Encore une fois, à la frontière d'Arkham City, tu t'es fait arrêter, ils ont vérifié le papier. Cette fois-ci, la fouille a été beaucoup moins extensive. A priori, le papier que tu as a l'air de faire bonne impression. Et, j'y suis allé à pied ou en bus, quoi. J'ai pas pris le van de... Tiens, c'est marrant. Est-ce que, du coup, il y a toujours des transports en commun entre Arkham City et... Non, il n'y a pas de transport en commun qui font le lien. Sinon, ça ferait beaucoup trop de choses à fouiller. D'accord. Beaucoup trop de choses qui pourraient passer. Ça ne passe pas entre les deux. Donc, bah, t'as marché à pied jusqu'à la frontière. Ils t'ont regardé ta carte. Ils ont palpé un peu vite fait, mais tu sens qu'ils t'ont pas palpé comme ils avaient palpé les autres fois. Et une fois de l'autre côté, tu as pris le premier bus qui passait en direction de New Gotham, où se trouvait donc le petit bar des frères Cohen, où tu les rejoins. Et tu vois que le bar est toujours ouvert, a priori ça a l'air d'être le genre de bar qui est ouvert H24, si ce n'est que là c'est une ambiance un peu moins néon, un peu moins musique de discothèque quoi que ce soit, c'est plus un peu plus tranquille. Sam, et il y a même... peut-être même que tu es un peu désarçonné de voir que la plupart des boissons qui sont proposées de jour sont surtout des jus ou ce genre de choses et pas énormément d'alcool. Puis il passe, le serveur revient te voir, tu lui signales, j'imagine, que tu veux voir les frères Cohen. Ouais. Et il te fait monter immédiatement parce qu'il s'agit du même serveur que celui que vous avez croisé la dernière fois. Donc tu montes directement l'escalier, tu arrives dans leur petite pièce où ils avaient leur espèce de petit appartement, ou en tout cas de coin où ils passaient leur temps. Et tu es accueilli par basiquement la même scène que la première fois où tu es venu, c'est-à-dire les deux assis sur le canapé, en train de partager une chicha et de boire quelques bouteilles. Bonjour. Ah, c'est... Marco. Marco, ça fait plaisir de te revoir. Installe-toi bien. Avec nous. Bien, merci. Ça va ? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Deux choses. Déjà, on a pris possession Maya Labi. Parfait. Bonne chose pour vous. Je veux pas avoir problème ou quoi que ce soit, faire un bruit. Mais on est d'accord que vous êtes un peu foutre notre gueule à nous. Je veux dire, là, le bar, vous possédiez Walou. On a trouvé deux junkies qui campaient à l'intérieur, je sais pas quoi. Enfin, les serrures complètement explosées, tout ce que tu veux. Enfin, et on possédait le droit légal d'y être. Ouais, bon. C'est déjà quelque chose. C'est pas grave, c'est fait, on a fait business, mais j'aurais aimé que toi un peu plus précis, et si jamais on refait business, toi être plus précis, parce que... Hein Marco, tu vois que l'un d'entre eux du coup se rapproche, se fait glisser un peu sur le canapé, un peu plus vers toi, et il te dit simplement, écoutez, Marco, on voulait pas se mettre dans l'embarras, on voulait pas vous avoir ou quoi que ce soit, nous n'étions absolument pas au courant que les lieux avaient été saccagés ou quoi que ce soit. Nous avions déjà envoyé quelqu'un faire de la reconnaissance sur les lieux, voir en quel état c'était avant de racheter l'endroit. Et au moment où ça a été vérifié, tout allait bien. Donc ça a dû se faire assez récemment. Tout ce que j'avais à dire. Ok, très bien. Bah c'est juste, on n'est pas là pour faire embrouille ou faire couille non sous plus. Le potage. Tu vois, on est tous les deux amis avec le banquier. Tu veux pas des soucis avec nous, on est... Ami avec le banquier, toi aussi, tu veux pas associer avec le banquier. On essaye de voir si on est gros, 50-50. Ok, je crois à vous, c'est ok, pas de problème. Et, désolé de voir soupçon de arnaque, mais tu vas comprendre. C'est normal, on est à Gotham. On est à Gotham, voilà. Maintenant, du coup, je reviens, maintenant que ça c'est clair que c'est bien. Je voudrais savoir, on va rouvrir le bar. Mm-hmm. Et donc je viens pour dire, comme on avait déjà discuté, de passer nouveau contrat pour, dans un premier temps, se fournir chez vous. Enfin non, c'était déjà conclu dans la vente, je crois. Enfin bref, il y avait un aspect comme ça. Bref. Je sais plus, déjà, je voulais qu'on rappelle, on avait mis une date limite, tout ce chose ou quoi. Non, il n'y avait pas de date, il y avait juste une entente commune, c'est tout. Ok, très bien. Bon. Donc nous, il nous faut alcool local, whisky, bourbon, Tennessee, tout ce que tu veux, Jack Daniel. Mais je voudrais aussi... Et ça, je sais pas si toi peux avoir alcool de chez moi. Et où? Yougovia. Radija. Oui. C'est moi, je veux alcool de. C'est alcool de un peu. Bon, allez, pour expliquer à vous Américains, c'est un peu comme vodka, mais c'est pas la même chose, ok? Mm-hmm. D'accord. On peut essayer, après je t'avoue que nous avons l'habitude de prendre ce qui est réputé de qualité. En tout cas qui est réputé, qui est apprécié aux États-Unis. Mm-hmm. Et a priori c'est pas le cas de ta boisson. Donc on n'a pas spécialement les contacts pour ça. Mais... ok, bon, voilà, pas grave. On a... Désolé, on fait avec ce que nous... On fait avec les lois du marché. Bon, ok, dans ce cas, mais par contre, truc premier, tout ça, tu peux m'en voir. Oui, tout ce que tu as dit avant, on peut avoir tout ce que tu veux. Morose. Exact. Ok, cool. Et cool. On peut t'avoir de notre propre bière artisanale, si tu veux. Quoi? On compte concurrencer, justement, la morose. Ça s'appelle la Happy. Ah ouais, je vois. Et goût fraise. Goût fraise. Ah, ça va être... Ah, je sais pas si près notre clientèle, mais écoute... toi, on va établir le fait que tu nous fais livraison. Toutes les semaines, tout, voilà. Et puis, donc, tu nous mets ce qui marche mieux, bourbon, Tennessee, tout ce que tu veux, ok? Ça me va. Bon, ça c'est géré. Maintenant, j'ai une petite question. Mm-hmm. Venir ici, pas voir famille, sauf quand j'ai cherché cousin. Est-ce que vous avoir entendu parler de ce que je sais, s'appelle Hilal. Il a une petite soupérette ou quelque chose comme ça dans Gotham. Et la connaissant, il fait pas clean business, si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Non, toi, est-ce que toi connais des gens que je peux chercher, ou lui, ou quoi, pour que je les trouve? Alors, personnellement, je ne connais pas spécialement ce milieu. Je dois t'avouer que c'est une autre partie de la population de Gotham que nous fréquentons. Et mais je te dis, il est pas très patte blanche, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Bah, mais... Je sais pas, mais reconnaissant, il est pas. Mais il y a, tout ce que je peux donner comme piste, je pense, ce serait que. Il y a normalement au nord de Arkham City, un peu sur la frontière avec The Bowery, il y a une espèce de petite zone qui est un peu un quartier slave. Je crois qu'ils appellent ça la petite Odessa. Peut-être que je veux pas dire que vous êtes tous pareils. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être que certains se connaissent entre eux. Et qu'il pouvait reconnaître un Hilal qui a une supérette. En tout cas, moi, dans mon cas. Ok. Voilà. Au nord d'Arkham City. Au nord d'Arkham City. À l'intérieur d'Arkham City, dans la partie nord. Ok. Je vois. Voilà. C'est pas très loin du Gotham City Arms Hotel. Ok. Voilà. Parfait. Ça va être une grande information. On va redire merci pour toi. Avec plaisir. Et on n'a pas discuté prix du coup de la approvisionnement quotidien. Donc quoi toi vouloir pour petit bar comme tu connais capacité de Maya Labi. Enfin, or, d'ailleurs on va changer le nom maintenant. C'est Or Alibi. Ça, bien, il y a nouveau, il y a ancien. Oui, c'est très bien. Comme ça, vous gardez la clientèle et vous pouvez vous ouvrir à une autre. Exactement. Toi, très malin, je vois que vous, businessman, très, très, très, très bien. Donc, combien on part sur pour approvisionnement quotidien pour un petit bar comme ça? Honnêtement, nous sommes, on peut dire que nous sommes presque amis. Wow. Donc, je pense. Ils ont des frères. Quasiment. On pourra bientôt nous appeler les triplés Cohen. Ouais. Je vais faire ma bar mitzvah. Très bien. Alors honnêtement, on va vous le faire pour quasiment rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est surtout que notre nom. Vous voyez que vous ayez le temps de prononcer notre nom de temps en temps quand on vous pose d'où vient l'alcool. Ça, donc on peut vous faire pour quasiment rien. Ok. Cool. Bon. Bah, pour se les entendre, je propose que... Bon, si tu vois pas, tu me ramènes petite vodka, ce que tu veux, parce que bon... Hein. Mais pour se les entendre, un nouveau contrat... Prost. Évidemment. Un peu de vodka. Yeah. Je vais prendre un peu de vodka. Il en verse dans trois petits verres. Et vous buvez ensemble un petit coup de vodka. Living in a tragedy, suburban paradise. All I ever wanna see is triple dollar signs. I don't want no enemies, don't get in the way of what's mine. Show me something. Cha-ching, cha-ching.